Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne journée. Alors pour ceux qui débarquaient à 6h et qui reviennent maintenant, ils disent mais pourquoi il dit deux fois bonjour, c'est idiot. Parce que de 6h à 6h30, il y a le warm-up et que là on est reparti, maintenant ça y est, on est en direct jusqu'à 9h30. Julie qui est en pleine forme? Toujours en pleine forme. Bon, enfin toujours, dois-je te rappeler que la semaine dernière t'étais au bord de la mort? Bah j'avais la grippe, oui. Tu voulais au bord de la mort, donc, mais quand même toujours ici en pleine à ma forme, place. Hein. Aujourd'hui n'est pas le but de contredire, hein. C'est juste que je remarque... Oui, voilà. Bon, j'essaye en tout cas aussi. Je suis pas malade, je suis déjà toujours... avec ses formes et c'est déjà pas mal. Ouais, ah, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Toffel également, vous avez pu l'entendre, hein. Oui, oui, je suis là. Bah voilà, c'est ça. Et puis même Sébastien Loeb qui est là. Oh là là, ça fait 2 heures qu'il est arrivé déjà, il travaille beaucoup aujourd'hui. T'as remarqué que c'est le plus réveillé de l'équipe. Hein. Ouais, c'est... ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'il habite à Liège et qu'il a déjà 1h30 de route dans la famille. C'est pour ça en fait. Bon, bah j'espère que vous avez passé une bonne nuit en tout cas. Sébastien Loeb est là pour la déclaration express, ce sera tout à l'heure. Vous avez pu en entendre un petit extrait là tout à l'heure dans le warm-up. On fera une nouvelle déclaration express tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. 3044, débutez le message par déclaration ou alors vous allez sur le site de l'émission. C'est le www.mikl.fm. Voilà, comme ça vous savez tout. Aujourd'hui, pas mal de choses. Vous allez pouvoir vous inscrire encore pour repartir avec peut-être les 96 millions d'euros à l'euro million. On va vous rembourser vos factures. Ce sera vers 7h10, 8h10 et 9h10. Là aussi pour les inscriptions, eh ben, c'est ouvert dès maintenant. Hein. 63,22, c'est 1 euro par message. Vous débutez le message par facture. Et puis vous laissez votre prénom, enfin le prénom. On s'en fout, mais vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Il y en a pas mal qui sont tombés hier soir et cette nuit, notamment facture électricité et gaz 419 €, 208 euros pour le GSM, 800 euros pour le volant, mon volant moteur. Volant 800 euros pour un volant. Oui, c'est cher. Mais c'est un beau volant. Ouais, c'est avec des petits diamants incrustés. Ouais, 80 euros pour des cours de français. Ah, mais voilà quelque chose de bien aussi. Ça, c'est bien, 80 euros. Ça, c'est pas mal. Tous les gens qui disent oui, ah bah écoutez, tu sais qu'ils s'y mettaient si et saurait. Si et le truc horrible. Ça, ah, ça me perturbe l'oreille. Ouais. Enfin, il y a Cathy qui est pas mal, hein, dans la libre antenne pour ça. Ah ouais, ouais. 600. C'est-à-dire que vous l'écoutez parler, vous savez que c'est l'inverse qu'il faut dire. 675 euros pour un décodeur, vous. Bah, déjà, tu t'es fait escroquer, mec. Laisse-moi te le dire. 82,87 €. Ouais, s'il est en or, éventuellement. Ah, mais voilà, sinon, tu sais pas, tu ne sais pas ce que les vrai, gens achètent. C'est vrai, c'est vrai. 300 euros pour 2 places de F1 à Spa-Francorchamps. En même temps, elles étaient à gagner sur Fun au début de l'été. Et il fallait écouter Fun et jouer. 171 € pour l'assurance habitation. 70 € pour l'abonnement GSM. Excès de vitesse, 90 €. Fallait rouler moins vite. 342 € pour le téléphone. Bref, tout ça, c'est les numéros qu'on appellera peut-être, ainsi que tous les autres que j'ai pas eu le temps de lire. 63,22, débuté par facture. Voilà, aujourd'hui, on aura pas mal de choses, comme je le disais. L'horoscope avec Doudou. On aura évidemment l'info avec Julie. Ça va arriver dans quelques minutes. Mais avant cela, la devinette qui colle. Pour gagner des places pour le parc Astérix ou alors tout simplement pour repartir avec des jeux Sims 3 additionnels. Enfin, c'est, additionnel. C'est un additionnel des Sims. Oui, voilà. Additionnel des Sims 3, voilà. Oui, voilà. C'est ça. Et Harry Potter et. C'est les reliques de la mort de. Ah merde, je sais plus. Voilà. Oui, c'est à toi de savoir. On s'est fait engueuler parce qu'on n'avait pas tout dit hier. Donc voilà. Bon, bah le jeu Harry Potter et. C'est le dernier. C'est pas les reliques. On vous donnera le nom tout à l'heure. Il est très chouette, quoi. Bon, la question, la devinette qui colle, qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? Si vous avez la bonne réponse, 63,22 avec la réponse, il y aura des places pour le parc Astérix ou alors les jeux que je viens de vous citer. Qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? La ceinture de chasteté de Julie. Pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, 63,22. Et dans un instant, DJ Abdel va débarquer avec C'est ma life. Et l'info arrivera également dans 3 minutes. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Sur Fun Radio, dans quelques secondes, ce seront les infos. On paiera vos factures tout à l'heure et toujours la petite devinette qui colle, je vous la rappelle. Attendez que je la retrouve déjà. Hop là, qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1 € par message. Il y a des places pour le parc Astérix ou alors les jeux vidéo qui sont à gagner, l'additionnel des Sims 3 ou encore Harry Potter. On proposait une tronçonneuse. Non, c'est pas ça, non. Mais cela dit, oui, il y a beaucoup dedans et puis il y a un monstre derrière, mais c'est pas le cas en l'occurrence. Sinon, il y a des bonnes réponses qui sont arrivées. Sinon, pour donner des indices, Ça peut se retrouver aussi sur sur des vestes, ça peut se retrouver sur des sacs à dos. Moi, ça me dit rien du tout. Ça peut parfois être remplacé par des petits boutons. Bon, voilà, ça dépend quoi. Bon, la bonne réponse 6322. Qu'est-ce qui a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? Allez-y pour la bonne réponse, je compte sur vous. 6h30, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Ce drame à Mélin hier en début de soirée, un jeune pompier volontaire de 21 ans a perdu la vie dans l'incendie d'une maison rue du Sard. Deux autres pompiers sont également blessés. Les pompiers de Wavre sont venus en renfort aider leurs collègues de Jadogne. Le feu est à présent maîtrisé. Romain Hissel, le fils de l'avocat Victor Hissel, a été libéré sous caution. Il était inculpé de menaces et de tentatives de carjacking après sa fuite du centre fermé où il était interné. Le jeune homme de 22 ans s'était engagé à rejoindre un établissement de soins en centre fermé. Les avocats de Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, vont introduire une nouvelle demande de libération ce matin. La précédente avait été refusée parce que les conditions n'étaient pas respectées. Michel Martin devait se rendre dans un couvent en France, mais la France avait refusé de l'accueillir. Ce matin, une nouvelle audience est donc programmée pour que ses avocats introduisent une nouvelle demande en proposant de nouvelles conditions, encore tenues secrètes. Et cet après-midi, le formateur Elio Di Rupo fera un rapport intermédiaire au roi. Les négociateurs se voient encore ce matin pour discuter de la responsabilisation financière, des transferts de compétences et même du renouveau politique. Ainsi, les négociateurs auront fait un tour complet de la note du formateur avant que celui-ci se rende chez le roi. Près de 10% de la population belge est étrangère. La population belge comptait 1,05 million de personnes en 2010. Et c'est ce que révèlent des statistiques d'Eurostat. Parmi eux, plus de 6% étaient originaires d'un pays européen et un peu plus de 3% d'un pays non européen. La Belgique se situe donc au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. À l'étranger, la tempête Irène a fait au moins 29 morts sur la côte est des États-Unis. La plupart des victimes sont mortes à la suite de chutes d'arbres, d'accidents de la route ou encore emportées lors de crues. Et puis enfin en sport, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale cet après-midi du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud, tandis que Xavier Malist s'est fait éliminer à l'US Open face à l'Espagnol Marcel Granollers. Aujourd'hui, c'est Wickmayer, Rocus et Darcy qui entrent sur le terrain. 6h33 et la météo. Les nuages sont une fois de plus très nombreux, mais normalement pas menaçants. Des petites éclaircies sont possibles, température de 13 à 18 degrés. Demain, le soleil devrait être un peu plus présent. C'est déjà ça de prix, l'info en plus maintenant. Fun Radio. Fun Radio. À 6h33 également. Eh bien, moi, je voulais vous parler d'un sauveteur en caleçon. Plutôt un Superman en caleçon, quoi. Ah bon, c'est tough, mais bon, sauf qu'il n'est pas Superman, quoi. Mais surtout qu'il n'est pas en caleçon, là. Oui, en plus, oui. Enfin, il doit peut-être avoir ça en dessous, je sais pas. En fait, c'est un riverain à Liège qui a entendu des cris alors qu'il était en train de dormir. Donc, il était tout simplement en caleçon. Et il s'est rendu dans la rue en courant pour sauver une personne qui était en train de se faire agresser par deux agresseurs. Et donc, il les a coursés en caleçon. Il les a quand même rattrapés, le premier, pour aller le mettre dans un café pour que les gens du café le surveille, et puis il a rattrapé le deuxième, ça en caleçon. Quel talent, qu'est-ce qu'il foutait en caleçon, c'est la question. Mais il dormait en caleçon, il était en train de dormir. D'accord. Donc, tu vois, il entend des cris dans la rue. Mais comment on peut dormir en caleçon? Quoi, tu dors comment, toi? Je vais pas le tirer, je vais me taire, ça pourrait exciter beaucoup de monde. Ah, d'accord, okay. Non, mais en boxeur, caleçon, c'est quand même relativement moche. Oh, bah attends, tout de suite, c'est la même chose. Ouais, non, toi, c'est pas pareil. Tu dormais en sous-vêtements, quoi. Oui, bah, enfin, c'est mais pas toi, la même jamais chose. T'iras dans la rue courir pour aller sauver quelqu'un en sous-vêtements. Ah, bah non, c'est-à-dire qu'après sauver un âne chez moi, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauver. Allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On y va, allez. Ah, bah ouais, mais toi, il y a pas de problème. En caleçon, voilà, je vais venir te sauver en caleçon. Ah, mais tout va bien. Je n'ai pas besoin d'être. Elle est en danger de mort. Non, pas du tout. Bon, dans un instant, on parlera des people également. On avait parlé de Rihanna hier aussi dans ce domaine. Et puis, DJ Abdel et Soprano maintenant avec C'est Ma Life. Et je rappelle la petite devinette qui colle. Qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? Comme je le disais, ça peut être remplacé parfois par des petits boutons aussi. Et ça se trouve aussi sur des vestes, sur des sacs. Voilà, ça se trouve un peu partout. Mais là, en l'occurrence, en particulier sur un fut. On va dire ça comme ça. 63-22, les bonnes réponses. DJ Abdel sur Fun Radio à l'instant avec Soprano évidemment, C'est Ma Life. 6h38, bon réveil tout le monde. Et des bonnes réponses qui arrivent, on va les prendre dans un instant là avec Toff, la bonne réponse par rapport à la petite devinette qui colle. Je vous la rappelle comme ça brièvement là, vous avez encore quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine de dents qui cache un énorme monstre? Et j'allais dire la réponse, mais non, voilà, hein. Et qui cache un énorme monstre. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ par message et vous risquerez peut-être de gagner des places pour aller au parc Astérix gratos ou encore des jeux vidéo Harry Potter ou encore l'additionnel des Sims 3. Voilà ce qui est à gagner ce matin. Donc bah, bonne chance tout le monde. Bon, et puis on allait parler de ma future ex-meuf. Enfin, c'est une histoire encore. Bah, elle revient sur le marché là. Bah, ouais, je sais, ouais, elle revient sur le marché, mais bon, peut-être trop tard, j'ai dit non à la fin. Voilà, c'est tout. Ouais, mais bon, j'ai dit non. Vous parlez de qui là? Katy Perry. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, c'est parce qu'ils ont une histoire, enfin bon, un truc qu'on peut pas te raconter. Ça a été tout, très là. Court, mais. Ça a été court mais intense quoi. J'irai pas jusque là. Disons qu'elle m'a fait un coup de merde. Enfin bon, j'expliquerai ma vie un autre jour. D'accord, ok. C'était sur un plateau télé, on devait se rouler un patin. Et puis bon, elle était d'accord. Et puis finalement. Et bizarrement, elle a dit non. Elle a changé d'avis en plein direct. Enfin, ah, bon, histoire. Tu te souviens des pastilles dont tu parlais hier? Ouais. Et ben, elle avait oublié d'en prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Elle avait une haleine relative. Enfin bon, bref. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer avec mon ex-meuf alors? Mais écoute, son mari, Russell Brand, est devenu pasteur. Ah bah voilà, tu as bien fait pour elle. Tu vois, même, alors que moi, enfin, je suis pas devenu pasteur. Hein. Attends. C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est plus avec elle. Hein. J'ai pas dit le contraire. Donc, enfin, non, disons qu'il est peut-être un peu moins porté sur la chose quand t'es pasteur. Ah, non, les pasteurs, c'est des gros cochons. Hein. Ah oui, je pense Faut pas confondre avec les curés. Hein. Oui, non, je confondais pas, mais je pensais que malgré tout, bon, d'accord. Donc voilà, donc il peut désormais officier en tant que pasteur pour les mariages, les funérailles et même prêcher un sermon dans une église. Et puis avec Katy Perry derrière. Faut quand même avouer que c'est un ancien accro au sexe et un toxico. Donc. C'est les meilleurs pasteurs. Ah ouais, bah ouais, tiens. Je me suis repenti. Ouais, Dieu vrai. M'a pardonné. Exactement. Alléluia. Et apparemment, ce changement radical viendrait de sa chérie. Ah bon? Qui lui a changé la vie. Eh bah écoute, ouais. Depuis qu'il l'a rencontré, il est devenu un homme différent. Ah bah, moi, je suis à Katy Perry. Je sais pas s'il va me tenter d'être pasteur. Hein, mais... Pourquoi qu'il se met? Enfin, je sais pas. Ça change rien. T'es pasteur. Non, c'est même pour ça que tu as une vie. Non, mais faire différente. Des enterrements et tout le bordel. Là, ah oui, non, ça. Mais bah, attends, il reste acteur à mon avis. Je crois que c'est pour le délire. À la limite, tu fais des enterrements de vie de garçon, ça oui, mais. Je pense que c'est pour le délire, tu sais. Peut-être. Mais écoute, je sais pas. Un peu barré, quoi. Voilà, bon, enfin, de toute façon, c'est terminé, c'est une histoire. Voilà, je mais on je suis passé au-dessus. Hors antenne parce que j'ai pas envie de le mais y a pas de problème. Hein. Restez bien là, 6h41 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Rampopopom. Rihanna qui a plombé 275 000 euros en une semaine de vacances. On en avait parlé hier, ça va arriver dans quelques secondes sur Fun Radio. On paiera vos factures, il y aura la ligne anti-relou juste après ça. Michael, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors, comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Michael, à la radio. Et attention, on fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie, évidemment. Hein. Allez hop, qu'est-ce qui se passe au niveau du trafic? Soyez prudents parce qu'il y a un véhicule qui est en panne sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Drogenbos. C'est la bande du milieu qui est obstruée. C'est au niveau de la sortie 18. D'accord, donc faites gaffe si jamais vous allez sur la route, quoi. Bah oui. Bah oui, voilà. Et sinon, le reste, ça roule plutôt bien pour l'instant. Bon, bah tant mieux. Profitez-en. Et si vous êtes témoin d'un accident sur la route, d'un radar, etc., etc., n'hésitez pas à nous transmettre l'info 3044 qu'on puisse nous-mêmes prévenir tous les autres auditeurs de Fun. C'est un petit peu ça, la solidarité de Fun Radio. Michael à la radio. Pour un monde sans relou. Mais c'est la ligne anti-relou maintenant. Et puis ce qui est bien, c'est qu'à Julie, à chaque fois, elle fait le jingle à la bouche. Pour un monde sans relou. Voilà. Ah oui, la pauvre. Cela dit, avec un monde sans relou, on serait quand même relativement bien chier. Faut quand même dire les choses. Non, moi je suis assez pour. Hein. Non, mais pour nous dans l'émission là, parce que sinon oui, on n'aurait pas la ligne anti-relou. On aurait trouvé autre chose. Donc pas de problème. Si on peut éradiquer les relous, ouais. Moi je suis pour. Mais bon, il y en a tellement, tu sais, c'est compliqué. Ah, hein. Ça va prendre des années. Ah, hein. Ça va prendre, faut peut-être des siècles ouais, même. Ouais, je pense qu'on sera encore. Ouais. Voilà, donc la définition d'un relou, c'est donc quelqu'un qui vient et qui pendant plusieurs minutes voire heures vous pompe pour avoir quelque chose que vous ne voulez pas lui donner. Exemple, votre numéro de téléphone ou votre adresse mail ou même votre Facebook. Mmh. Et donc en l'occurrence, on a mis au point pour vous un petit numéro, le ligne anti-relou. Donc le numéro, il faut le retenir par cœur évidemment, puisqu'il va falloir le donner comme du tac au tac, comme si c'était le vôtre. 0473 86 0013. Vous donnez ce numéro au relou. Le relou va donc appeler persuadé d'avoir fait la bonne affaire et que sa relourdise a marché une fois de plus. Mais non, il tombera chez nous et nous diffuserons le message à l'antenne. Comme ça, vous allez tous pouvoir en profiter. Écoutez notre premier invité de ce matin. Je suis désolé, on a dû partir sur des mauvaises bases, donc voilà, à toi de voir, et t'as toutes les mains, les cartes en main, et en fait, je ne mange jamais de pain avec des nouilles, hein. C'est plutôt des nouilles sur du pain. Donc voilà. Oui, quoi? Je ne mange jamais du pain sur les nouilles, c'est ça? C'est ça, et il mange des nouilles sur le pain. Voilà, c'est très important. Mais je pense qu'il y a une image que nous n'arrivons pas à comprendre. Ah, mais peut-être qu'il vaut mieux ne pas l'avoir. Mais si vous la comprenez, dites-nous. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent comprendre. Attends, mais quelle idée de préciser ça quand tu laisses un message. Enfin, je pense que nous sommes partis sur des mauvaises bases. Je pense que la meuf, elle a dû être vénère. À un moment, elle a dû l'envoyer à Petre. Et à un moment, elle s'est dit: numéro d'Ali anti-relou. Non, mais c'est bon, allez, viens, je vais te donner mon numéro. Ah, et peut-être. peut-être de ça. Deuxième message. Bonjour Clara, c'est Hervé. Si tu veux, tu m'appelles, tu me bipes sur mon téléphone et puis je te rappellerai. Ça t'évitera de dépenser voilà. Je fais des bisous et puis à bientôt, bisous. Ça t'évitera de dépenser comment voilà. Je savais pas que c'était une monnaie. Non mais le relou est un petit peu timide, donc il a du mal à faire des phrases. Et con, parce que si tu veux, je te rappelle, je paierai moi. Bah non, il n'y a pas de raison. Ah oui, non mais oui. Relou est un petit peu con, mais ça, c'était pas nouveau. Non, ça, c'est clair. Bon, et troisième message de ce matin. Oui, bonjour Fabien, c'est Damien. Je t'appelle pour te dire à quel point j'ai adoré notre expérience dernièrement. Et quelle expérience? Par contre, je compte sur ta discrétion auprès de ma femme parce qu'elle n'est pas au courant de mon homosexualité. Quelle heureuse. Mais mon cul restera toujours ouvert pour toi. Plein de gros bisous et à très vite. Et je me Louis, c'est son cœur qui restera toujours ouvert pour lui ou si ça partira écoute, peut-être la réponse de la question qui colle justement. Oui, je pense également qu'il y a peut-être une ouverture, effectivement. Voilà, donc le retour de la nuit anti-relou, ce sera tout à l'heure. Dans un instant, on va payer vos factures, mais avant cela, il y a la réponse, bien évidemment, la réponse à la devinette qui colle qui est avec nous. Bonjour. C'est Philippe. 43 ans de Jean Blou. Philippe est là. Philippe nous entend mal, c'est normal parce qu'une fois de plus Vince a décoché tous les boutons. Ça y est, ça marche. C'est toujours la faute de Vince. C'était décoché. Bon, salut Philippe. Oui, bonjour. T'appelles d'où Philippe? De Rennes, je suis à mon boulot. D'accord, ok, tu fais quoi dans la vie? Je fais des échantillonnages de sol, des forages. Ah, d'accord, ok, très bien. Oui, ça a l'air passionnant, hein. En même temps, il t'a dit, il était à Rennes. C'est vrai. Bon, la petite devinette qui colle, je te la rappelle maintenant. Si tu as la bonne réponse, tu as des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine dedans et qui cache un énorme monstre? Une fermeture éclair. Oui, mais avec plus de précision. La fermeture éclair d'un homme. Attends, l'énorme monstre, s'il te plaît, quoi. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite tilté. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette devinette qui colle? C'était pourtant clair. Enfin, ce n'est pas. Non. Si, c'était clair. Non, qui cache un petit monstre. Ouais, peut-être pas un énorme monstre. Ça dépend de ce qu'on a à la maison. Moi, je parle de vous parce que justement, mais moi, tout va bien. Ouais. Tu veux une bouée ou comment ça se passe? Non, mais les gars, vous êtes des grands malades. Moi, je suis très, très bien servi, y'a pas de soucis. Eh ben, bravo à toi, Philippe, je te renvoie au standard. Et puis, c'est gagné, y'a pas de problème. Et on va directement enchaîner avec la question qui colle maintenant. Qu'a fait un russe du cadavre d'un homme qu'il venait de tuer? Si vous avez la bonne réponse, là aussi 30-44. En tout cas, il avait la dalle. Oh non. Bah j'ai rien dit, hein. Que je sache. Voilà, qu'a fait un russe d'un cadavre d'un homme qu'il venait de tuer? 63-22, je vais y arriver. Avec la bonne réponse, c'est 1€ par message. Et encore une fois, on remet en place le jeu pour gagner des places pour le parc Astérix. Je vais y arriver. Ou des jeux vidéo, Harry Potter ou encore les Sims 3. Maintenant, Rihanna, on écoute tout de suite Man Down sur Fun Radio, 6h50. Rihanna sur Fun Radio à l'instant avec Man Down. Tous les matins, on est là, il est 6h53. Bon réveil tout le monde, plein de messages qui sont arrivés. Et oui, vous êtes bien, hein. Qu'a fait un russe du cadavre d'un homme qu'il venait de tuer? Voilà, ça lui a fait sa petite semaine, hein. Ah bah. Non mais attends, mais c'est dégueulasse. Bah, donne pas la réponse, voyons. J'ai rien dit, j'ai dit que c'est dégueulasse. Voilà, donc voilà. Qu'a fait un russe du cadavre d'un homme qu'il venait de tuer? Attends, vu l'indice que t'as donné, je pense que je peux dire que c'est dégueulasse. C'est vrai. Bon, 63-22, déplace pour le parc Astérix. Les jeux aussi, Harry Potter et les reliques de la mort, c'est la partie 2 qu'on vous file aussi. Ou alors l'additionnel du Sims 3. Voilà, tout ça c'est à gagner ce matin si vous avez la bonne réponse. Donc, qu'a fait un russe du cadavre d'un homme qu'il venait tuer? 63-22, c'est 1€ par message. Bonne chance tout le monde. Bon, sur qui tu comptes te jeter ce matin, Tof? Bah, t'as remarqué, c'est la fin des vacances. Ah oui, ça, tout le monde bien retourne au travail. C'est-à-dire que j'ai remarqué, ça fait bien longtemps que c'est la fin des vacances là maintenant. Ouais, pour nous, mais bon, je veux dire pour les gens en général, c'est maintenant. Et tu vas appeler qui du coup pour ça? Du coup, je vais appeler des agences d'intérim, hein, mais bon, je vais leur dire, tu sais, je vais mettre la barre un peu haute, je vais leur dire que bon, j'ai jamais travaillé. Ouais. Et que je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais que j'ai envie d'avoir un travail aujourd'hui. Et tu crois vraiment qu'ils vont te donner du travail? Je sais pas, mais si je trouve un travail comme ça, je veux plus jamais entendre un mec qui vient me dire c'est dur de trouver du travail. Oui, bon bah écoute, on va y aller, on verra. On appelle, il faut que je parte travailler moi. On appelle une agence d'intérim à Charleroi. On va à Charleroi. Très bien. Allez, c'est parti, direction les Carolos maintenant. Ça sonne déjà. C'est Charleroi, salut le manchot. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle, je voudrais un travail. Oui. Voilà. Et vous recherchez dans quel secteur? Un peu comme vous voulez en fait, hein. Moi j'ai jamais vraiment travaillé, ouais. et donc là voilà, comme le chômage va s'arrêter, je me dis qu'il est peut-être temps de chercher un travail, quoi. Ah En effet. Voilà. La première chose à faire, c'est de faire votre inscription sur notre site. Ah, oulala, oulala, oulala, je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai pas internet, vous savez. Vous pouvez aller au forum. Au forum ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui peut vous aider à faire votre CV, à envoyer votre candidature. C'est là également que vous allez pour vous inscrire comme demandeur d'emploi. Ah oui, non, parce que en fait, comme je ne l'ai jamais fait, je ne savais pas du tout en fait, que ça existait. Voilà, ça. Donc ça, il peut vraiment vous aider si vous n'avez jamais fait de CV, ce genre de choses pour réaliser tout ça. Ah oui, oui, oui. Et parce que chez vous, il y a du travail en ce moment, il y a des choses un petit peu. Ça dépend des secteurs dans lesquels vous souhaitez travailler, donc ça aussi, il faut définir. Ah oui, mais qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment? C'est quoi les là où il y a du travail? Bah, écoutez, nous, on fait tout secteur sauf la construction. Oui. Maintenant, ça dépend des demandes que l'on peut avoir. Donc ça aussi, vous trouvez tout ça sur notre site ou sur le site du forum. Toutes nos annonces y sont mises. D'accord, oui, non, parce que si vous avez des postes de directeur, je prends, parce que ça a l'air un peu plus peinard que des trucs un peu... Oui, mais il faut des qualifications pour aussi, vous voyez. Oui, oui, oui, oui. Enfin bon, des directeurs pas trop qualifiés, il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés par hasard. Les pistonnets ouais, et tout mais ça. Bon, la plupart du temps, les gens demandent une expérience, du management, ce genre de choses. Ah oui. Bah, moi, j'ai beaucoup managé ma télécommande. Hein, ça, Oui, mais bon, ça vous aidera pas. Ah, je pense que les yeux fermés, je peux vous mettre les chaînes. Hein. Donc, faites le nécessaire à ce niveau-là et regardez un petit peu au niveau des recherches. Au niveau de la télécommande ? Non. Au niveau de votre recherche d'emploi. Oui. Ah bah c'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous appelais un petit peu pour vous puissiez m'aider quoi à trouver un travail. Ça va ? Bah oui, moi ça va et vous ? Ah moi très bien. Ah bon bah tant mieux. Merci, au revoir. Ah bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de travail. J'ai toujours été épatée par la patience de ces gens. Ah ouais, mais c'est parce qu'on était le premier du jour, hein, je pense. Hein. Ça devait être le premier relou de la journée. C'est hein. C'est-à-dire que là, rappel à 17h, je pense pas. Non, mais elle était tellement patiente, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que c'est normal, c'est la passion du travail. Non, ça doit être ça, ouais. Si ça se trouve, à cette heure-là, ils ont même pas encore ouvert, ils viennent juste d'arriver. La meuf, elle s'est dit, bon, allez, je vais décrocher. Allez, je vais faire ma bonne opération, ma BA de la journée, tiens. Bon, dans un instant, les infos, et puis on va vous payer votre facture aussi, dans moins, dans à peu près 10 minutes. Là. Si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par facture. Dans quelques instants, on fait le tour du côté de tous les messages qui sont arrivés. On va tirer quelqu'un au sort. 116,98€ pour l'électricité, 1392€ pour les contributions. Oui, bah si tu les payes, c'est que tu les gagnes. C'est oui. Vrai. Hein, alors, quand même. Alors voilà. 375€ pour une opération d'une double, mais j'ai pas la fin du message, c'est dommage. 248,29€ pour la taxe automobile. 120€ la mensualité de l'assurance de la voiture. 460€ pour un nouveau GSM Android pour bosser. J'aime bien le pour bosser. Ouais, oui, c'est bien important sûr. De préciser. C'est ça. 1500€ pour bosser. Pourquoi ton patron il te l'a pas payé? Bah c'est ça. Hein. 1500€ pour les préparatifs du mariage. 105€ pour un procès excès de vitesse. 162€ pour une caméra vidéo pour l'entraînement. 75€ pour une journée au terme naturiste. Ah bah. Ah bah voilà, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne facture. C'est ça, ouais. Bon, si vous voulez vous inscrire, on paye dans moins de 10 minutes. 63,22€, c'est 1€ par message. Vous débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis restez bien là, puisque juste après les infos, ce sera le son de l'MFAO avec Champagne Showers. Excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et 6h59, une minute avant les autres, les infos maintenant avec Julie. Et là, t'as lancé le bête de météo là, mais ça change rien. Bah, c'est pareil, d'accord. C'est une information. Ok, mais ça va, ça va s'arrêter avant, pas de soucis. C'est n'importe quoi ce truc-là, dis donc. Alors, il y a tout qui est parti à l'envers en fait. Bah oui, en fait, c'est ça, c'est rigolo. Bon, c'est pas grave, allez, salut à tous. En plein milieu de tes infos, t'auras un fun. Ah voilà, c'est ça, pas grave. Bon, alors, salut à tous, drame à Mélin. Hier, en début de soirée, un jeune pompier volontaire de 21 ans a perdu la vie dans l'incendie d'une maison rue du Sar. Deux autres pompiers sont également blessés. Les pompiers de Wavre sont venus en renfort aider leurs collègues de Jodogne. Le feu est à présent maîtrisé. Les avocats de Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux vont introduire une nouvelle demande de libération. La précédente avait été refusée parce que les conditions n'étaient pas respectées. Et ça monte là, ça accélère. T'inquiète pas. Michel Martin devait se rendre dans un couvent en France, mais la France avait refusé de l'accueillir. Ce matin, une audience est donc programmée pour que ses avocats introduisent une nouvelle demande en proposant de nouvelles conditions encore tenues secrètes. Romain Hissel, le fils de l'avocat Victor Hissel, a été libéré sous caution. Il était inculpé de menaces et de tentatives de carjacking. Le parquet a 24 heures pour faire appel. Cet après-midi, le formateur Elio Di Rupo fera un rapport intermédiaire au roi. Les négociateurs se voient encore ce matin pour discuter de la responsabilisation financière ou encore des transferts de compétences. Ainsi, les négociateurs auront fait un tour complet de la note du formateur avant que ce dernier se rende chez le roi. Près de 10% de la population belge est étrangère. La population belge comptait plus d'un million de personnes en 2010. C'est ce que révèlent des statistiques d'Eurostat. Parmi eux, un peu plus de 6% sont originaires d'un pays européen et un peu plus de 3% d'un pays non européen. La Belgique se situe de la sorte au-dessus de la moyenne européenne. Et puis enfin, en France, des cadavres de 4 personnes tuées par balles ont été découverts hier au rez-de-chaussée d'un petit immeuble situé en bord de plage en Corse. Il s'agit d'un homme, d'une femme et de 2 enfants âgés de 10 et 11 ans. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Le père de cette famille domiciliée à Grenoble et qui passait des vacances en Corse aurait tué par balle sa femme et ses 2 enfants avant de retourner l'arme contre lui. Et puis enfin en sport, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale qui se joue aujourd'hui du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud. Tandis que Xavier Malisse, lui, s'est fait éliminer à l'US Open face à l'Espagnol Marcel Granollers. Wickmayer, Rocus et Darcy entrent en scène aujourd'hui. 7h01, la météo maintenant. Les nuages seront encore une fois très imposants mais non menaçants aujourd'hui. Des petites éclaircies sont possibles, température jusqu'à 18 degrés. Demain, le soleil sera un peu plus présent mais pas la chaleur malheureusement. Ah ouais, parce que ce matin, je suis sorti chez moi, il faisait 10 degrés. Hein. Ah non, moi j'ai caillé cette nuit. Oh là là là là, bah, je vais t'arriver. Ah, la fenêtre est ouverte, mon dieu. Ah non, mais il y a la boue. C'était un drame. Là. Oh là là, c'était un drame. Il fait caillon. Un vrai drame. Mais bon, si tu veux, je viendrai te réchauffer. Non, non, mais ça va, c'est gentil. Elle a ce qu'il faut, je te le rappelle. Ouais. Bah bon. Oui, on voit bien la qualité toute la nuit. Elle dit j'ai dormi avec un gros pull. Ah bon. Oui, oui, oui, c'est vrai. Monsieur n'était pas là. Si, il était là, oui. Si, si, il y a ça le problème. Oh non. Donc, on l'a compris, tu dormais avec un glaçon, d'accord. Oh non. Radio. Et il est l'heure maintenant à 7h03 de retrouver l'info en plus. Moi je voulais vous parler d'un Australien qui a fait une belle bourde. Il a supplié les autorités de fouiller la décharge de la ville où il habitait. Mais pourquoi ? Parce qu'il a jeté un sac contenant tous ses bijoux de famille et des lingots d'or parce qu'il était en train de déménager et qu'il avait décidé de le mettre dans un sac qui n'était pas trop voyant pour que les voleurs ne soient pas attirés par la marchandise. Mais du coup, sans faire exprès, il l'a acheté à la poubelle. Bien sûr. Et donc, la poubelle a été emmenée et ça a été jeté à la décharge publique. Les autorités ont essayé. Non, mais il est complètement con, c'est pas possible. Alors, quand même, il y en a pour 50 000 dollars australiens, ce qui fait plus ou moins 37 000 euros. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais ça fait bien mal, quoi. Ah ouais, ouais. Donc, les autorités essaye de lui faire comprendre que ça va être un petit peu difficile de trouver ça dans la décharge, qu'il y a quand même des millions d'ordures. Et donc sa femme, elle prend l'incident avec philosophie, mais les amis du couple ne se privent pas de leur rappeler le prix de l'or actuellement. Non mais ma copine, ou si j'étais une meuf, mon copain fait ça, mais je le déglingue. Ah bah écoute, mais il va chercher lui-même pendant. Mais non, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, Michael. Si, si. Non, oui, mais ça, on a compris. Mais par contre, perdre 35 000 euros peut contribuer au malheur. Oui, ça c'est clair. Parce que tu perds 35 000 euros, tu perds ton mec ou ta meuf parce qu'elle va dire écoute, moi t'es gentil, mais je vais pas rester avec un idiot comme ça pendant 107 ans. Hein. Ouais, non, mais ça. Qui est complètement idiot, quoi. Ça fait un peu mal quand même. Oh là là là là, sans déconner. Bon, bref, l'info revient tout à l'heure. Ce sera vers 7h30. Restez bien là. Gros cadeau également. Ce sera tout à l'heure vers 7h30 également. Donc là, pareil, bah, restez là, ne bougez pas. Et les factures, on va vous les rembourser dans 5 minutes. 63-22, débutez le message par facture. C'est un euro par message. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et on appelle chez l'un d'entre vous d'ici 5 minutes pour lui rembourser sa facture cash. Et elle est MFAO, j'en avais parlé avant les infos. Et Natalia Kills, Champagne Shower sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. C'est Fun Radio, il est 7h08. Bonjour et bon réveil si vous venez de débarquer. C'est un petit message qui vient d'arriver aussi qui me fait rire. Enfin, qui m'a fait rire. pas que je me fous de lui, hein, c'est pas le but non plus évidemment, mais qui dit j'ai mal aux dents, je sais c'est hors sujet, mais je tiens à partager ma douleur. Donc Julie compatit. Mais voilà, je compatis à ta douleur. Mais oui, mais bien sûr. Cela dit, j'attends toujours les petits déjeuners. Hein. Ah, j'allais le répéter, hein, j'osais pas le dire, mais je tiens toujours à avoir mon petit pain au chocolat. Il y a des auditeurs qui voulaient venir, et finalement on attend et rien. Ouais, mais je pense que le réveil ça doit être dur. C'est les gens ils doivent. Ouais. C'est comme Vince et la bête, c'est qu'ils me font croire tous les soirs quand je pars d'ici. Ouais, on vient demain, et en fait le lendemain, j'ai... bah alors t'es pas venu. Ah bah non, je me suis levé à 16h. C'est ça, voilà. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un pour la question qui colle? Mais évidemment. Geoffrey, 22 ans de Bruxelles. Comment va Geoffrey, 22 ans de Bruxelles? Geoffrey? Ça va. Ah, très bien. Bon, Fun Radio à Bruxelles, c'est sur 104.7 FM et tu nous appelles parce que tu as la réponse à la question qui colle. Qu'a fait un Russe du cadavre d'un homme qu'il venait de tuer? Il l'a mangé. Exactement, mais c'est dégueulasse. Ça se passe à Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie. C'est un jeune russe, en fait, qui a fait la connaissance d'un autre, 32 ans. Donc, le mec a 21 ans et l'autre a 32. Et donc, via un site de rencontre pour homosexuels. Et donc, le 19 août, il l'avait invité chez lui, il l'a poignardé, découpé en morceaux afin de le manger. Et donc, pendant une semaine, il a cuisiné ses restes en faisant des petits steaks, des croquettes, du saucisson. Et voilà, et bon appétit, bien sûr. Alors, mais tu sais qu'il y avait carrément une histoire où il s'était rencontré, c'était une histoire comme ça, où il s'était rencontré sur un site de rencontre et le gars avait demander qu'on le mange. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh non, mais les gens sont. Et d'ailleurs, alors pour la petite histoire, mais ça je le raconte. Merci Tuff, j'attends les détails. Non, la petite histoire, c'est que ils ont mangé son sexe ensemble. Oh, mais ouais, c'est vrai en plus, je me souviens. Mais il y a un moment, c'est des gens, ils ont des il problèmes. Il a fait cuire ça comme des saucisses. Moi, j'avais trouvé. Ils ont des problèmes. Mmh. Bon, en tout cas, bravo à toi, c'est gagné. Passe une excellente journée. Je te renvoie au standard pour prendre tes coordonnées. Disparu. Merci, oui. Ah bah dis donc, il répond avec un peu trop tard. Hein. Bon, allez, c'est parti, le moment préféré du boss de la radio maintenant. Tous les matins. Radio, paye vos factures. Eh oui, tous les matins, 7h10, 8h10, 9h10, vous êtes nombreux à vous inscrire au 63-22, 1€ par message, débuté par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et tous les matins, on appelle plusieurs fois par matinée. Eh oui, pas comme sur d'autres radios où c'est une fois par semaine, par exemple. Voilà, nous, c'est plusieurs fois par matinée pour vous régaler au niveau des factures. Et on appelle qui, pour combien la facture maintenant? 18€. Oh, ça va, c'est encore. Mais pourquoi vous, les gens se fatigue. Mais parce qu'ils ont bien raison. Des petites factures, c'est bien aussi. Non, mais allô. Ah, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Sylvie. Sylvie, ça va Sylvie? Oui, ça va. J'ai toujours été un peu désagréable au début en disant que tu sais que la bonne femme, peut-être le matin. Oui, ben va te faire foutre. C'est dommage. Mais non, non. Bon, Sylvie, t'as quel âge, dans quelle ville? Manage. Tu es à Manage, d'accord, ok. Et tu as quel âge? J'ai 37 ans. D'accord. Ah non, malheureusement, c'est un jeu exclusivement réservé aux moins de 30 ans. Hein. Je suis vraiment désolé, Sylvie. Bon, on peut rien faire pour toi. Je suis vraiment confus. Hein. Non, je plaisante. D'accord, désolé. Non, c'est pour rire, Sylvie. Bon, Sylvie, tu veux qu'on te rembourse quoi et combien? 18,53€. C'est pourquoi? Parce que ça a coupé. Ouais. Allô, Sylvie, tu veux qu'on rembourse quoi? Parce que ça a coupé. Ah non, je suis là. Oui, non, mais j'ai compris. Mais pendant que tu m'as dit ce que c'était, ça a coupé. Ah oui, c'est mon cadastre. Le 18€. Ah, c'était elle qui avait un mini. Ah oui, elle avait envoyé son message hier. Bah attends, mais 18€. Alors oui, on se demandait pourquoi c'était. T'habites où, dans un garage? Non, c'est grand, c'est 10 mètres de large. La façade. Et comment ça se fait que c'est 18€ seulement le cadastre? Mais qu'est-ce que c'est? Mais parce que j'ai deux enfants. Ah mais je vais faire des gosses moi. Attends, c'est quoi le temps? On voit des SMS arriver avec des trucs 800€, 1000€, ce qui me paraît, moi je pense, logique. Je suis pas encore propriétaire, mais voilà. Et 18€ pour une façade de... Enfin, c'est un truc... Ah ouais. Combien de mètres carrés? Ça fait combien de mètres carrés? 800. Oh, ça doit... Je sais pas, une centaine, 100 mètres carrés. Ah, mais alors je vais faire des gosses demain, moi. Bah écoute, viens, on va faire tout de suite. Eh ben, je vais faire des gosses aussi. Tiens, bah écoute, Sylvie, bon, on va te rembourser ce cadastre avec plaisir, hein, y a pas de problème. Et puis je te fais des gros bisous. À bientôt, Sylvie. Oui. Salut, bah reste au standard, on va prendre tes coordonnées dans un instant. Voilà, et puis restez bien là tous. Il y a Luna qui arrive dans un instant et on remet le couvert avec les factures tout à l'heure. 63-22, débutez le message par facture. Luna et l'horoscope. À la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. À la radio. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Le son d'Ouna à l'instant sur Fun Radio à 7h17. C'était Vamos a la playa. Et puis bah, Vamos maintenant aussi pour un tour du côté de l'horoscope du jour. Fun Radio. L'horoscope. Bon, qu'est-ce qui se passe, Doudou, là? Ah bah non, mais je peux jamais rien faire. Non, comment ça? Bah, vous me grondez tout le temps quand je fais quelque chose. Mais pas du tout, Doudou. Regardez, on va faire l'horoscope, là. Oui, mais vous voulez pas goûter mon petit punch? Bon, allez, les béliers. Bon, voilà. 7h du mat, Doudou. Cela dit, je veux bien. Hein. Ah bon? Ah bah voilà, alors je vous en apporte. Bon, bah très bien. Les béliers. Alors, vous vous trouvez enfin dans une bonne situation financière et de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. Ah bon? Ça rend pas bien compte, mais ok. Les taureaux. Ah oui, enfin bon, hein, c'est général. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Alors, les taureaux. Les taureaux, arrêtez de vous faire des idées fausses car vous irritez votre entourage. Les gémeaux. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas sentimentaux. Les cancers. Ah, ça c'est moins. Ah oui, c'est le signe de Julie. Oui, ayez confiance en vous et sortez de votre routine. Bah, ah, c'est ça. Avec donc, plaisir. Faut que tu casses avec ton mec. Non, rien à voir. Non, il faudrait peut-être pas qu'il fasse l'amour une fois dans la semaine. N'importe quoi. Les lions. Si tu savais. Petite cochonne. Alors, les lions, cessez de vous mettre du travail sur le dos. Mais oui, arrêtez, ça va vous faire du mal. Eh oui, les vierges. Ah ben voilà, ça c'est le mec de Julie. Ok, oui. Qu'est-ce que ça va être? Vas-y. Alors, les vierges. Ah bah oui, ça, quand je dis qu'il faut qu'il fasse l'amour. Ne prenez pas tout comme si c'était un concours. Les balances. Investissez-vous plus dans votre relation, cela portera ses fruits. Les scorpions. Allez vers un ami qui a besoin de votre aide. Les sagittaires. Montrez plus d'affection envers les gens qui vous sont chers. Les capricornes. Ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Les verseaux. Soyez forts. Oui. Accordez-vous un peu plus de repos, mais oui, dormez tôt ce soir. C'est mieux. Et les poissons pour finir. Vous êtes insatisfait et vous avez tendance à maltraiter votre entourage. Mais c'est mal, c'est mal. Mais oui, c'est pas gentil. Mais oui. Bon, Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. D'accord, à tout très à bien, l'heure. Très bien, à tout à l'heure, Doudou, pour un autre horoscope, évidemment. Et puis, musique maintenant, 7h19. On paye vos factures dans un instant. Message qui est arrivé. Je viens de débarquer là, j'ai pas compris votre jeu sur les factures. On vous donne de l'argent et ça paye nos factures. Oui, c'est un peu le concept, effectivement. C'est pas plus compliqué que ça. Et dit c'est stylé. Eh ben écoute, sois le bienvenu. 63-22 débute le message par facturé. Gwen Stefani maintenant, c'est Rich Girl. Je chante vraiment mal, Julie, si je peux me permettre. Alors... C'est quand même relativement pénible d'entendre ça le matin, si je peux me permettre. Hein. Bien plus sûr, bien dit. Sûr. Ah ouais. S'il y en a bien un qui chante tout le temps ici, c'est bien. Tu sais, d'entendre quelqu'un qui est là tout le temps. J'ai pas le temps de chanter. T'es moi, au réveil là, ouais, mince quoi, sans déconner. Bon, restez bien là, dans un instant, on va vous filer un petit écran plat. Ah bah ça fait plaisir ça quand même, un oui. Petit écran plat comme ça. Mais il faudra répondre à la petite devinette qui colle. Ah ok, donc on peut gagner un écran plat. Oui, mais il faudra répondre à la devinette qui colle. Crois que je vais jouer discrètement. Bah si tu veux, mais il faudra d'abord répondre à la petite devinette qui colle. D'accord, vas-y, balance. Ouais, bah attends une seconde. D'abord, chaque chose en son temps. Ah. Faut faire les choses en son temps. Bon, il y aura les infos aussi, ce sera dans moins de 6 minutes, donc faudra bien rester là. Ouais. Et puis, est-ce que vous connaissez tous Kamel Wally? Bah ouais, c'était, oui, quand même. Bah, c'était le mec là qui fait toutes les comédies musicales qui cartonnent en ce moment. Oui, c'est ça. Donc il a fait Cléopâtre, Le Roi Soleil, et puis il y a pas longtemps il a fait les chorégraphies. Ouais. Ouais, et il a fait Dracula aussi. Ah, ouais. Et surtout il a fait la Star Academy. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben là, il va faire une nouvelle comédie musicale. Ah, et ça va être sur quoi alors? Eh ben tu vas voir, on a la bande-annonce en exclusivité totale ce matin dans les Mickaël à la radio. Ouais. Écoutez bien. Après le triomphe du Roi Soleil, je fais de toi mon Julien. Après le sacre de Cléopâtre, Kamel Wally revient dans une toute nouvelle comédie musicale encore plus époustouflante. Kadhafi. Y a rien à faire, je suis seul. La réalité de la vie du dictateur enfin mise en musique. Des scènes de combat encore jamais vues sur scène. Kadhafi, une comédie musicale très... What the fuck? Prochainement en tournée mondiale. Eh ben voilà. Hey, il fait pas que des trucs dégueulasses hein, quand même, c'est Kamel Wally là. Il s'est refait, c'est beau. Moi je trouve ça beau. Alors il s'est refait et ça c'est magnifique. Alors carton à prévoir. Hein, ah, gros carton. Ah ben ça je m'en doutais, tu vois. Et puis il y a de la star sur scène, hein, c'est et pas. Puis, là, c'est ça, hein, ça. Il débarque pas tout seul le gars. Hein, quand non, même, non, hein. Bah, il a une grande famille, hein, donc ah, il a ouais, de quoi faire. Il a une très très grande famille, je confirme. Bon voilà, donc alors maintenant attention, c'est là que ça va se passer pour l'écran plat, donc HD qu'on va vous filer maintenant. Si vous avez la réponse. 63-22, c'est 1€ par message. Vous mettez la réponse et on vous rappellera d'ici moins d'un quart d'heure pour vous, vous offrir l'écran tout simplement. Alors écoutez bien, qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 n'a pas? Oh, non, on peut pas cautionner ça. Non, non, mais attends, mais c'est difficile en plus que tu balances. Mais non, tu rigoles ou quoi? C'est un jeu d'enfant. Réfléchis. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 ans n'a pas? Si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat à gagner, hein, un HD. Ça se passe au 63-22 avec la bonne réponse. Bonne chance tout le monde, je répète quand même parce que je suis gentil. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 ans n'a pas? Pour info, tout le monde l'a, mais disons que les... Voilà, une question de niveau avec une question d'âge. Ah ok, j'ai compris. Mais allez, ne bougez pas de là, on va revenir dans un instant avec le son de... Oh, bah, la petite parodie, tiens. Ah voilà, qui met la pêche. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. On proposait les rides, non, c'est pas une bonne réponse. On proposait les genoux, ce n'est pas une bonne réponse non plus. Allez, 63-22, bonne chance tout le monde, on se fait les infos dans 3 minutes. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h29, bon réveil tout le monde. C'est mardi aujourd'hui, le 30 août, et on a toujours l'écran plat à vous filer. L'HD, dans moins de 10 minutes, on donnera la réponse et on prendra quelqu'un évidemment. On proposait la boucle de ceinture par rapport à la réponse, non. On proposait du lait, c'est pas ça. On proposait son ventre, on s'approche mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On proposait tout à l'heure, oui un truc mais je ne peux pas dire ça à cette heure-ci. Un mouchoir, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc je répète la petite question, la petite devinette qui colle. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 ans n'a pas? Pour info, tout le monde l'a et chez tout le monde ça a été coupé. À la naissance. Oui, évidemment. Voilà, 63-22, c'est 1€ par message. On vous rappelle peut-être dans moins de 10 minutes pour vous filer votre écran plat pour bien commencer la rentrée. Ça peut toujours le faire. Hein. Petit écran ça fait en plus. Plaisir quand même. Petit écran en plus dans la chambre ou dans la cuisine, ça fait toujours plaisir. Voilà, 7h30. Et on fait un tour du côté des infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Oui, grosse information, oui. Mickaël ce matin va offrir un écran plat. Non, oui, tu rigoles, ils le font tout le temps ça. Oui, c'est ça vrai, aussi. Ouais. Donc à part que Mickaël offre un écran plat ce matin. Ah voilà. Salut à tous quand même. Drame à Mélin hier en début de soirée, c'est beaucoup moins drôle. Ah oui, là, un oui. Jeune pompier volontaire de 21 ans a perdu la vie dans l'incendie d'une maison rue du Sar. Deux autres pompiers sont également blessés. Les pompiers de Wavre sont venus en renfort aider leurs collègues de Jodogne. Le feu est à présent maîtrisé. Les avocats de Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, vont introduire une nouvelle demande de libération. La précédente avait été refusée parce que les conditions n'étaient pas respectées. Michel Martin devait se rendre dans un couvent en France, mais la France a refusé de l'accueillir. Ce matin, une audience est donc programmée pour que ses avocats introduisent une nouvelle demande en proposant de nouvelles conditions encore tenues secrètes. Romain Hissel, le fils de l'avocat Victor Hissel, a été libéré sous caution hier. Il était inculpé de menaces et de tentative de carjacking. Le parquet a 24 heures pour faire appel. Cet après-midi, le formateur Elio Di Rupo fera un rapport intermédiaire au roi. Les négociateurs se voient encore ce matin pour discuter de la responsabilisation financière ou encore des transferts de compétences. Ainsi, les négociateurs auront fait un tour complet de la note du formateur avant que ce dernier se rende chez le roi. Près de 10% de la population belge est étrangère. La population belge comptait un peu plus d'1 million de personnes en 2010. C'est ce que révèlent des statistiques d'Eurostat. Parmi eux, 6,6% étaient originaires d'un pays européen. La Belgique se situe de la sorte au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Et puis en France, les cadavres de 4 personnes tuées par balle ont été découverts hier au rez-de-chaussée d'un petit immeuble situé au bord d'une plage en Corse. Il s'agissait d'un homme, d'une femme et de 2 enfants âgés de 10 et 11 ans. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Le père de cette famille domiciliée à Grenoble et qui passait des vacances en Corse aurait tué par balle sa femme et ses 2 enfants avant de retourner l'arme contre lui. Enfin, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale cet après-midi du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud. Et puis, étant Xavier Malisse, s'est fait éliminer à l'US Open face à l'Espagnol Marcel Granollers en 3-7. Wickmeyer, Rocus et Darcy jouent aujourd'hui. Et à 7h32, c'est l'heure de retrouver la météo maussade, comme les le dirait nuages. Carlo. Bah oui, les nuages seront encore nombreux aujourd'hui, mais normalement pas de pluie au rendez-vous. Mais ouais, bon, quand je vois le ciel, ça me fait un petit peu peur quand même. En fait, c'est un ciel, t'as l'impression d'être en hiver, c'est qu'il va neiger. Ouais, tout à fait. Il est ouais. Tout blanc, bas comme ça, tu sais. Ouais. Sauf qu'en hiver, tu te dis, c'est bien, il va neiger, ça va être joli. Mais bon, là, il va faire juste dégueulasse. Quoi. Bah voilà, exactement. Bon. Des petites éclaircies sont quand même possibles. Température, bah, pas terrible. Hein. C'est à peine jusqu'à 18 degrés. Demain, le soleil sera plus présent, mais pas la chaleur, malheureusement. malheureusement. C'est déjà ça, hein. Fun Radio. Fun Radio. Et 7h33, c'est l'info en plus, Julie. Moi, je voulais vous parler d'un Superman en caleçon ce matin. Un Superman en caleçon. C'est un Superman qui vient de Liège. C'est un riverain qui... Ah mais voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'il vient de Liège que c'est Superman. Ah oui, bah ouais, c'est un riverain qui, en sous-vêtements, a rattrapé des agresseurs, donc dans la rue à Liège. Il était en train de dormir, tout simplement. Il a entendu des cris dans la rue et il a été voir et il s'est rendu compte qu'une personne se faisait agresser par deux autres agresseurs. Et ce qui est bien, c'est qu'en temps normal, quand même, il faut quand même le savoir. Parce que je parle pour moi, évidemment, mais je parle aussi pour les autres. En général, quand t'entends du bruit, quand tu dors, tu fermes la fenêtre. Oui, mais voilà. Mais lui, il a entendu des cris et il a écouté que son courage. Bah oui. Il s'est donc lancé à la poursuite des deux agresseurs. Il y en avait quand même un qui était armé, qui a tiré sur lui. Mais bon, heureusement, il s'agissait que d'un pistolet d'alarme. Et donc, il a finalement attrapé le premier. Il l'a ramené dans un café pour que les clients le surveillent. Il est ressorti pour aller chercher le deuxième. Tout en caleçon et pieds nus, quand il même. Il a eu les coronas, comme on dit en espagnol. Ah non, parce que même, tu sais, c'est un flingue. T'as une chance sur deux qu'il soit vrai, quand même. Il a rattrapé le deuxième, qu'il a ramené dans le café aussi. On a pu appeler la police, tranquille, et voilà. Ah bah ok, reste là. Il avait son super caleçon par balle. Ah oui, peut-être. Bon, enfin, en tout chapeau cas, déjà quand t'entends une alarme, si tu te lèves pas pour voir si quelqu'un vole la voiture ou qui est à l'intérieur d'une maison, tu fermes la fenêtre, tu dis oh, quand ça va passer là, ça commence à bien faire. Quand t'entends des cris et que tu regardes par la fenêtre, tu vois que quelqu'un se fait agresser. Peut-être que j'aurais pas la courage. Bon, j'ai rien vu. Mais d'office que j'appelle la police, quoi. Oui, non, mais appelez les flics. Il part dehors et court, quoi. Si les mecs ils ont un flingue, tu sais pas s'il est vrai ou faux, tu prends pas le risque quand même, quoi. Tu vois, il a pas eu peur. T'appelles les flics, ils viendront 3-4 heures après et puis on verra si on a de la chance, quoi. Super impressionnant. Je rappelle que la Belgique est numéro 1 sur les gens qui prennent des substances bizarres. Donc après, peut-être qu'il était sous une substance, ouais, sous l'effet d'une substance. On ne sait pas. C'est ça, parce que du coup, décuple la force, ça décuple peut-être le courage. Non, tu crois que ça décuple la force, mais pas du tout. C'est psychologique, tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, dans un instant, Mickaël réveille la Belgique. Si vous voulez jouer à Mickaël réveille la Belgique pour des places pour le parc Astérix, par exemple, il y a d'autres cadeaux également. N'hésitez pas à vous inscrire au 3044. Débutez le message par réveil. Le but est simple, hein, vous allez réveiller papa, maman, le frère, la sœur, copain, copine ou même le voisin en criant un bon coup. Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Le but est qu'on entend d'autres personnes se réveiller, évidemment. Donc 3044, débuté par réveil. Et puis la réponse également qui vous permettra de repartir avec un écran plat. Ça, c'est dans quelques minutes, ça, maintenant. Je répète la question une dernière fois. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 ans n'a pas? Donc le indice de Julie tout à l'heure, c'est tout le monde l'a eu, mais chez tout le monde, ça a été coupé à la naissance. Voilà. Voilà. Allez, bonne chance tout le monde. 63-22, c'est 1€ par message. Dans moins de 5 minutes, juste après le son de Mickaël et Kinvé maintenant, on vous appellera en direct. Le titre, c'est le Morning, c'est la parodie du Morning, justement. 7h36, bon réveil tout le monde, c'est mardi aujourd'hui. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du Morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le Morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dring, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'ensorcelle. C'est fini le zapping, monter les décibels. Direction le Morning, et la journée sera belle. Perso, ça me dérangerait pas de me lever tôt. Oh, oh, oh. Ça ne me rendrait pas trop mégalo. Oh, oh, oh. Même si tu ne voudras plus écouter d'autres radios. Oh, oh, oh. Avec ma voix dans tes oreilles, ta matinale sera très chaude. Eh oh, on stoppe les conneries là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin. J'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmènerai là où tu travailleras. Tu verras, ça boostera les plus flagades. Tu goûteras au délire de cette radio. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Tu peux l'espérer, oh, tu vas pas le choper. T'es peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. fête, mais pas pour toi. Pas des masses, non. Voilà, c'était la parodie du morning sur Fun Radio à 7h39. Dans une ou deux minutes, on donnera la réponse maintenant. Attends, parce qu'on a Stéphanie qui est là pour la réponse, la devinette qui colle, ou elle est là pour Mickaël Réveil de Belgique? Non, pour la devinette. Ah, très bien. Bon, on va donner la réponse maintenant. Alors, Stéphanie qui est là, 24 ans, de la région de Mons, c'est ça? Oui, c'est 29 ans. 29 ans, bah, j'étais un peu rajeuni, tu vois. C'est pas grave. Ouais, c'est bien. C'est parce qu'elle s'est bien entretenue, elle n'a pas de ride. Ah bah voilà. 93.9 pour écouter Fun dans la région montoise. Bon, alors, Stéphanie, tu fais quoi dans la vie? Je suis employée de bureau. D'accord, donc tu t'emmerdes. Un petit peu, ouais. Non, t'es payée pour rien faire, quoi. Oui, c'est bah, cool. ça dépend après. Ah non, on travaille quand même, hein. Ça dépend quel bureau. Oui, évidemment que vous travaillez quand même. Si regarde, nous on est payés pour rien faire aussi, tu vois, au final. Non, moi je sais quelque chose, hein, personnellement. Un peu les infos, par pitié. Enfin. Bah quoi, les infos? Bah oui, je check, c'est je cherche. Chose, là. Il fera mauvais. Non, ça c'est la météo. Ah non, tu confonds, Mickaël. Ouais. Ça c'est la météo. Bah, c'est de l'info. Bon, je parle, je t'expliquerai après. Je t'expliquerai. Non, bah d'accord, ok. Bon, Steph. Oui. Alors, tu avais la réponse, je sais pas si c'est la bonne, mais on va vérifier. Alors attention, écoute bien. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a entre les seins qu'une femme de 20 ans n'a pas? Sachant que tu en as 29, tu vas bientôt les avoir. Elle est au milieu des deux. T'es au milieu des deux, ouais. Alors, mais je suis quand même loin d'être concernée quand même. Hein. On sait jamais, hein. Donc qu'est-ce qu'une femme de 60 a entre les seins qu'une femme de 20 n'a pas? Le nombril. Eh oui, c'est une bonne réponse. Vous avez été nombreux à avoir la bonne réponse. On a fait un tirage au sort. Et puis, bah, bravo à toi en tout cas. Hein. Tu repars avec l'écran plat qui arrivera chez toi très rapidement, sympa. Stéphanie. Ok, merci beaucoup. C'est super. Mais je t'en prie, je te fais des gros bisous. À bientôt. Oui, à bientôt, au revoir. Salut, ciao. Bon, ah bah voilà, bonne chose de faite. Ah oui, peut-être qu'on en remettra un tout à l'heure, je ne sais pas. Moi, je dis oui, moi je suis assez pour. Je sais pas, ou autre chose, on va voir. Là, je pourrais essayer de jouer. Bon, qui est là maintenant pour le réveil de la Belgique? Gérard, 39 ans, de Péroé. Ah, Gérard. Allô, Gégé. Oui. Comment ça? Coupe ta radio derrière toi, Gérard, s'il te plaît. Oui. Voilà, coupe-la bien, là. Coupe-la vraiment bien, complètement, c'est plié. Bon alors, Gérard, 39 ans de Pervé, très bien, sois le bienvenu Gérard. Tu vas jouer au Mickaël Réveil la Belgique, comme chaque matin, c'est magnifique. Oui, et le but du jeu... De quoi? Je dis bien bonjour à tout le monde. Eh bien, bonjour Gérard. Eh bien, bon bonjour à toi Gérard. Et donc, comme chaque matin, Mickaël Réveil la Belgique, en l'occurrence vous réveillez la Belgique, tu vas aller réveiller qui ce matin? Ah ben les enfants, ils viennent de faire une grasse matinée, ils viennent de monter il y a à peine une heure, ils voulaient faire une nuit blanche, alors je vais les réveiller. Quel enfoiré, Gérard. Ça c'est génial. C'est dégueulasse. Quel âge ils ont les enfants? Ils m'ont mis jusqu'à maintenant, maintenant c'est mon tour. Ils ont quel âge les enfants? J'ai une petite de 12 ans, un gamin de 10 ans, et alors ils ont une copine qui est ici, qui a 12 ans aussi quoi. D'accord, ils ont fait une nuit blanche. Une nuit blanche, oui. Ah oui, ok. Ils voulaient s'amuser, jouer, bah, ils vont faire. Okay. Ah ben voilà, maintenant. Eh ben voilà, tiens. Alors attention, ce que je te demanderais, c'est quand tu vas rentrer dans la chambre, tends bien le téléphone vers eux. Parce que comme toi tu vas crier, on va très bien t'entendre, donc mets pas ton téléphone à côté de toi, comme ça on entendra leur réaction, d'accord? D'accord, ok. Voilà. Et donc quand tu cries, tu dis bien Mickaël Réveil la Belgique tous les matins sur Fun Radio, c'est parti, je coupe la musique pour bien écouter. Ok, oui. Vas-y. De quoi? Je dois répéter quoi? Mickaël Réveil la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Ok. Allez, vas-y. C'est mal pour eux. C'est bon, quel père. Allez, Simon, là, Mickaël, sur Fun Radio, Réveil la Belgique, là. Allez, on se réveille. Mais si on se réveille, il faut dire quelque chose. Dis bonjour, Mickaël. Oh. Mais pourquoi arrête? Ben non, petite nuit blanche. Ben non, faut se réveiller. Allez, monte, on se réveille. Bon ben. Allez. Allez, dormir. Il va aller dormir, là, gros. Dormir. Ils veulent pas te laisser dormir. Non. C'est pas grave, ça. On a une nuit blanche, c'est comme ça. On fait une nuit blanche, ma chérie. Oui. Ah, ça va, là. Voilà. Je peux dormir. Les petites voix endormies. Ouais, bah, ça va. Bah, attends, les petits chatons. C'est Mickaël sur Fun Radio, tu veux dire bonjour? Tiens, dis bonjour. Allez, je te le dis bonjour. Allez, vas-y. Oui, achète. Bonjour. Vous savez qu'il aille se faire foutre ce con alors. Non, non, on parle pas comme ça à son père. Non, non, non, il parlait de moi, je pense. Ah, oui. Ah, ça a coupé malheureusement. On l'a plus. Bonjour. Il est parti. Bon, c'est pas grave, Gérard. Gérard, bravo à toi en tout cas. On va te filer les cadeaux comme promis. Embrasse tes gosses pour nous. Et puis, bon, ils vont te haïr pendant au moins toute la journée, mais c'est pas grave. Hein. Tu restes... Oui, mais ça c'est pas grave. Bah, tu restes au standard, Gérard. Merci à toi, à bientôt. Ouais. Allez, salut Gérard. Bah voilà, bon esprit ça. Si vous voulez faire pareil, 30-44, débutez le message par réveil. Et restez bien là, parce qu'on est en retard là. Dans un instant, c'est les Black Eyed Peas qui arrivent. Don't Stop the Police sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et nous sommes très en retard, c'est pas grave. Nous allons faire l'info trafic maintenant avec Julie. Alors attention, il y a un objet encombrant sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Grasse-Sologne. C'est en direction de Namur et c'est la bande de gauche qui est obstruée par des déchets de pneus. On nous dit que la situation est dangereuse. Bon bah faites gaffe si vous êtes sur la route et si vous êtes témoin d'un problème sur la route. 30-44, 50 centimes le message. Vous nous dites tout simplement si vous voyez quelque chose en fait, tout simplement. Pour les radars, c'est toujours bien de prévenir pour les, c'est ça, pour les autres. Exactement, donc faites gaffe. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Et c'est bien pour une fois, Julie n'a pas fait le jingle à la bouche. Ah non, j'étais concentrée sur Allez, oui, c'est ça, elle est concentrée sur l'information. L'information bah oui, des filles. Un peu aussi au niveau des mecs, a donné ce numéro qui est spécialement fait pour vous. À des relous, tous les relous de Belgique devraient avoir ce numéro 0473 86 0013. Du coup, vous donnez ce numéro à quelqu'un qui est relou, il va donc vous rappeler, persuadé d'avoir fait la bonne affaire du siècle, sauf qu'il va tomber chez nous. Et nous, bien évidemment, on passera les messages à l'antenne. Écoutez le premier. Je suis désolé, on a dû partir sur des mauvaises bases, donc voilà, à toi de voir, et t'as toutes les mains, les cartes en main, et au fait, je ne mange jamais de pain avec les nouilles, hein. Ou plutôt des nouilles sur du pain, donc voilà. Ça... Bon, alors est-ce qu'on a compris cette vanne? Alors qu'est-ce que c'est que ce message codé? Toujours pas, je ne mange jamais des nouilles avec du pain, mais plutôt des pains sur les nouilles. Non, l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoute, je sais pas. Si vous avez une idée. C'est pas crade, hein. Non. Si vous avez une idée, mickaël.fm, venez nous rejoindre sur le Facebook, ou alors 3044, vous nous dites. Deuxième message maintenant. Bonjour Cara, c'est Hervé. Si tu veux, tu m'appelles, tu me bipes sur mon téléphone et puis je te rappellerai. Ça t'évitera de dépenser voilà. Je fais des bisous et puis à bientôt. Bisous. Oui, ça t'évitera de dépenser comment voilà. Voilà. Et donc le relou doit apprendre le français. Oui, et le relou est un peu idiot aussi, parce qu'il est prêt à dépenser son argent pour une fille qui se fout complètement de sa tronche, on peut le dire. Bah oui, mais bon, voilà. Mais il peut pas savoir, il peut pas savoir évidemment. Lui, il est amoureux, il est déjà transi. Mais c'est ça. Allez, troisième message. Oui, bonjour Fabien, c'est Damien. Je t'appelle pour te dire à quel point j'ai adoré notre expérience dernièrement. Par contre, je compte sur ta discrétion auprès de ma femme parce qu'elle n'est pas au courant de la réalité. Mais mon cul restera toujours ouvert pour toi. Plein de gros bisous et à très vite. Gros bisous, au revoir. Et ben voilà. Il dit bien, mon cul restera toujours ouvert pour toi. Oui, parce qu'on cherchait tout à l'heure, mais effectivement, c'est bien ça. Hein. Donc, effectivement. Oui. Voilà, comme ça, tout est dit. Hein. C'est bon, mal. 0473 86 0013, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Et on remettra le couvert tout à l'heure à 9h10, dans moins d'une heure. Donc, restez bien là. Et puis maintenant, pour des places pour le parc Astérix ou alors pour les jeux vidéo à gagner, c'est Harry Potter, les reliques de la mort, partie 2. Et oui, t'as un petit peu là. C'est à gagner. Ou alors Sims 3, c'est l'additionnel. Si vous avez déjà le jeu, c'est à gagner maintenant au 63-22. Si vous avez la réponse à cette question, c'est la question qui colle. La joueuse de tennis Aravan Redzai vient de battre le record du monde de vitesse au service. À quelle vitesse a-t-elle servi? Je peux vous donner un indice, ça va plus vite qu'une Porsche. Attends, mais... Voilà, comme ça vous savez. La joueuse de tennis Aravan Redzai vient de battre le record du monde de vitesse au service. À quelle vitesse a-t-elle servi? Ça va plus vite qu'une Porsche. 63-22 avec la bonne réponse de préférence. C'est 1€ par message. Et les Black Eyed Peas, je vous l'avais promis. C'est parti maintenant. Don't Stop the Party sur Fun Radio. Il est 7h51.

chouïa moins. 370, c'est un chouïa moins aussi. Donc 500 km/h, c'est beaucoup moins. Donc voilà, 63-22, il y a des places pour le parc Astérix à gagner. Et puis à 8h pile, c'est l'heure de retrouver les infos maintenant. Les infos avec Julie. Salut à tous. Drame à Mélin hier en début de soirée. Un jeune pompier volontaire de 21 ans a perdu la vie dans l'incendie d'une maison rue du Sard. Deux autres pompiers sont également blessés. Les pompiers de Wavre sont venus en renfort aider leurs collègues de Jodogne. Le feu est à présent maîtrisé. Les avocats de Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, vont introduire une nouvelle demande de libération. La précédente avait été refusée parce que les conditions n'étaient pas respectées. Michel Martin devait se rendre dans un couvent en France, mais la France a refusé de l'accueillir. Ce matin, une audience est donc programmée pour que ses avocats introduisent une nouvelle demande en proposant de nouvelles conditions encore tenues secrètes. Romain Hissel, le fils de l'avocat Victor Hissel, a été libéré sous caution. Il était inculpé de menaces et de tentatives de carjacking. Le parquet a 24 heures pour faire appel. Cet après-midi, le formateur Elio Di Rupo fera un rapport intermédiaire au roi. Les négociateurs se voient encore ce matin pour discuter de la responsabilisation financière ou encore des transferts de compétences. Ainsi, les négociateurs ont fait un tour complet de la note d'Elio Di Rupo avant que le formateur ne se rende chez le roi. Près de 10% de la population belge est étrangère. La population belge comptait 1,05 million de personnes en 2010. C'est ce que révèlent des statistiques d'Eurostat. La Belgique se situe donc au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. À l'étranger, Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair se sont rendus au FMI hier après-midi. L'ancien directeur du Fonds monétaire international voulait faire ses adieux à l'institution et surtout présenter ses excuses. DSK, qui a bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusé de crimes sexuels, a été très applaudi par le personnel. Et enfin en sport, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale cet après-midi du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud, tandis que Xavier Malisse s'est fait éliminer à l'US Open face à l'Espagnol Marcel Granollers en 3-7. Aujourd'hui, Wickmayer, Rokus et Darcy entrent en scène. Et à 8h02, on fait un tour du côté de la météo maintenant. Encore beaucoup de nuages aujourd'hui, normalement pas trop de risques de pluie. Des petites éclaircies sont même possibles, température pas plus de 18 degrés. Demain, le soleil sera un peu plus présent, mais la chaleur déjà pas ça. Trop. Ah bah c'est ça. Bon, et puis restez bien là, dans 30 secondes, ce sera plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une seule, l'info en plus. Et puis on va vous payer vos factures également pour les inscriptions 63-22. Débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Il y a 169 € là, par exemple, pour une téléphone télévision interne, 139 € pour un smartphone, c'est San Francisco, 217 € d'électricité, on a l'embarras du choix, 666 € pour le cadastre. Non, ça en paye pas, ça porte malheur. 666. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, toi, tu as vu, tu as eu bien du malheur hein, avec 666 €. Hein. Il faut les payer maintenant. Hein. Allez, ça arrive dans 3 minutes, restez là. Fun Radio. Fun Radio. C'est parti à 8h03 pour l'info en plus maintenant. Et c'est l'info en plus qui fait très mal. C'est un Australien qui a fait une belle boulette. Il était en train de déménager, donc il a bien tout mis dans des petits sacs et il a mis les bijoux. C'est bien, il s'est quand même occupé des bois, des cartons, tout ça, c'est bien. Si, quand on dit toujours que les mecs foutent rien, je veux dire, il y a un moment, il faut prouver que non. Voilà, mais j'ai quand même envie de dire, parfois il vaut mieux que les mecs ne foutent rien. Non, bah, il faut savoir qu'il maintenant a mis, alors. Écoute-moi d'abord, il a mis tous les bijoux de sa femme et les lingots d'or dans un sac qu'il avait choisi plutôt pas partout pour pas que les voleurs se disaient repèrent, voilà, déjà qu'il y a des lingots d'or chez lui quoi. Voilà, le sac plein de bijoux. Et bien le sac, il l'a acheté à la poubelle sans faire exprès, voilà. Ah oui. Et donc la poubelle est partie avec la benne à ordures à la décharge publique. Elle est lourde la poubelle aujourd'hui, non? Et bien non, voilà, donc les autorités locales sont en train de passer au crible la décharge à ordures, même si les autorités essayent de faire comprendre à cet Australien que ça va pas être possible de retrouver le sac qui contient quand même pour 37 000 € de marchandises. Franchement, moi je peux aller en Australie et je vais dans la décharge, je m'en fous, je peux rester un mois dedans, voilà. Et je vais la retrouver. Et la décharge, il y a quand même des millions de déchets, c'est ce que les autorités locales expliquent. Si je sais qu'il y a 37 000 euros à faire, bah voilà. Je m'en fous, hein. Je prends une combinaison et je fonce dedans. En tout cas, un peu comme Picsou dans son coffre. Ah oui, non. C'est quand il saute, là, qu'il plonge dans génial. Son or. Oh, ouais, je pourrais kiffer ça. Bah, tu vas plonger dans les déchets. Ouais, c'est ça. C'est autre chose. Et pour trouver l'or. Bon, en tout cas, la femme de cet homme prend la chose avec philosophie, mais les amis du couple ne manquent pas de rappeler le prix de l'or actuellement, qui y est absolument. Oui, c'est ça, en plus qui culmine là. Et voilà, moi je là, le déglingue. Ouais. Je le déglingue le mec. Ah bah écoute. Je lui mets une patate. Truc voilà. De fou. Mais comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. D'abord si, si. L'amour avant tout. Non. Ah d'accord. Okay. Non, d'abord l'argent et puis après si on attend un peu d'amour. Ta copine doit être assez riche, j'imagine. Oui, bah c'est pas grave, le principal c'est l'argent. Oui, mais ta copine c'est normal. D'abord l'euro million, tout ça. Oui, bah évidemment l'euro million ce soir. Ce soir, 96 millions d'euros à gagner, peut-être avec Fun. On vous explique tout à l'heure comment ça fonctionne. Dans un instant, on vous paye vos factures et on aura le son de Sac Noël. Lock up people maintenant sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et tout à l'heure, Julie qui critiquait Sac Noël, bah tu sais quoi? Quand, j'ai pas critiqué, j'ai si dit t'as que dit, j'en ai marre. Eh ben, ouais. elle a un truc à te dire. L'écoute. What the fuck? Ah oui, bah oui, je comprends. En toute simplicité, vraiment. Bon, nous avons les 8h09 déjà, faut le rappeler aussi. Dans un instant, on aura les Deep Side DJs qu'on va vous balancer avec un Never Be Alone. Et nous avons qui maintenant pour la question qui colle, pour la réponse, du moins la question qui colle? Alexandre, 12 ans de Liège. De Liège. Salut Alex. Salut. Bon, t'appelles de Liège, 99 FM pour écouter Fun à Liège. Et tu as 12 ans, qu'est-ce que tu es debout à cette heure-ci? Parce que c'est la rentrée, c'est après-demain là. Ouais, je sais, mais voilà quoi, je suis pas vraiment l'Eftar. D'accord, ok, tu ne suis pas l'Eftar, j'ai compris. Non, il n'est pas l'Eftar. Ah, il n'est pas l'Eftar, d'accord, je comprends mieux maintenant, très bien. Bon, par contre, tu habites dans un sous-marin. Pardon, tu habites dans un sous-marin, parce que ça fait du bruit derrière, j'ai l'impression d'avoir c'est le radar là. Ouais, ça fait. Bon, alors c'est pas grave. Mais c'est parce que je me déplace. Ah, ok, d'accord. Le sous-marin se déplace. Bon, oui, mais qu'est-ce que tu as la réponse à la question qui colle? La joueuse de tennis Aravan Redzai vient de battre le record du monde de vitesse au service. À quelle vitesse a-t-elle servi? 360 km/h. Un truc de dingue, 360 km/h. Attends, mais c'est abusé. C'est-à-dire qu'elle a lancé la balle. C'est un mutant. Bah, c'est-à-dire que tu la reçois sur toi, t'as l'impression d'avoir reçu une balle d'un magnum, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'elle te passe au travers. Hein. Ouais. Bon, eh ben écoute, c'est une bonne réponse. Bravo à toi. Bah, merci. Bah, je t'en prie, hein. Et puis, bah, bonne rentrée après-demain, hein. Bon courage. Hein. Bah, oui, c'est ça, moi, ouais. Bah, ouais, je sais bien. Oh, mais oh, après 2 mois et demi de vacances, fallait bien revenir à un moment ou à l'autre, hein. Bien sûr. Bah c'est ça. Ça va, ils ont 2 jours d'école et puis direct c'est le week-end. Oui, c'est ça aussi. Et après elle a tous les vacances, oui, qui arrivent, voilà, et tout ça. C'est ça, elle n'est pas non plus à la... Hein, ça, on va se calmer, ouais. Ça se passe quoi. Allez, salut à toi, à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Puis à la fête de la communauté française aussi. Puis oui, après tout il y a va aussi, bien. Hein, puis à les grèves. Bah, oui, enfin, il y aura toujours quelque chose. Ils pour, vont supporter les petits. Au final, combien de semaines sont faites complètes? C'est ça la question qu'on pourrait se poser. Ouh, ouais, il faudrait faire un calcul, ça peut être assez rigolo. Je suis curieux. Allez, c'est parti maintenant pour le moment préféré du boss de la radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Eh oui, effectivement, c'est tous les matins que ça se passe comme ça, 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun Radio. Fun Radio paye ta facture. Et alors, nous appelons qui maintenant? Je rappelle le concept. 63-22 pour les inscriptions. Débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Par exemple, ma facture GSM, 144 euros. Oh, comme c'est malheureux. Mais forcément, facture de GSM, le GSM est coupé. Ah oui. C'était combien la facture? 270 euros. Ah oui, bah oui, mais c'est coupé. Bonjour, c'est Mickaël. T'étais en direct à la radio sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture. Mais malheureusement, c'est un peu, tu sais, c'est un cercle vicieux. Il a pas payé sa facture, le téléphone est coupé. On peut pas le joindre. On peut pas le joindre, on peut pas le rembourser. Donc voilà, c'est cercle vicieux. C'est vraiment dommage. Bon, bah tant pis, hein, écoute, tu retentes ta chance. Quand tu veux, en tout cas, pareil pour les autres, hein, comme ma facture GSM, 144 euros. Ah bah je viens de la lire. 365 euros pour la réparation du câblage moteur voiture, 100 euros que j'ai avancé à mon beau-père, 79 euros pour le poulailler. Okay, bah, il en faut hein, après. Hein. 267 euros pour les nouveaux meubles de salon, 270 euros pour ma facture. Ah bah voilà, tiens, c'est celui qu'on vient d'appeler. 419 euros pour le cadastre, etc., etc. Bon bah voilà, 63-22, on remet le couvert une dernière fois tout à l'heure, ce sera vers 9h10. 63-22, débutez votre message par facture, vous mettez l'objet de la facture ainsi que le montant de la facture, ça vous coûtera 1 euro par message et on vous rappellera peut-être pour vous filer justement tout ce pognon. Ça peut ça être pas mal. Plaisir. Ça peut quand même être vraiment bien au final quand même. Bon, on fait ça tout à l'heure et puis les Deep Side DJs, ça arrive dans un instant avec Never Be Alone sur Fun Radio. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Promis, je serai jamais en retard. Il vaut mieux. Oui, je préfère éviter, effectivement. Hein, surtout quand c'est Bruce Willis qui te... Tu sais, tu te dis ok. Oui. Je crois qu'il est pas loin en plus, il attend caché derrière un buisson. Oui, maître. Dans un instant, l'horoscope sur Fun Radio, il est 8h15. Bon réveil. Deepside DJ, c'est Never Be Alone. DJ, à l'instant sur Fun Radio, c'était Never Be Alone. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et restez bien là, puis il y a l'écran plat qui va tomber encore. Enfin, on va pas le faire tomber, bien évidemment, mais on vous l'offrira dans 5 minutes. On vous pose la petite devinette qui colle. Écran plat à gagner. Donc, sympa. C'est, on était dans un battle avec Julie qui avait une histoire. Ah, mais c'est mignon cette devinette, on va poser celle-là. J'ai pas dit qu'il fallait la poser à l'antenne. J'ai trouvé juste trop mignon, quoi. Bon, vas-y, fais-la, c'est pas un jeu, hein. Vas-y, alors, c'est quoi venir. C'est qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Un mille pattes avec une jambe de bois. Voilà. Doudou, vous avez honte, hein? C'est trop mignon. J'ai pas compris. Ouais, non, c'est normal. Bon, soit dit, changeons de sujet. Doudou, on avait dit plus de cuisine en studio là. Ah, tu vois, tu me gronde encore. Non, mais c'est pas possible, mais ça l'odeur. Pue à ce temps-là. Ah non. Ah, c'est bien ce que je dis. Chaque fois que je veux te faire plaisir, tu cries. Mais non, Doudou. Allez, rangez-moi tout ça là et on va faire l'horoscope. Hein. On va commencer par les béliers. Vous vous trouvez enfin dans une bonne situation financière et de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. Je me rends pas bien compte, mais enfin, si vous le dites. Peut-être l'euro million ce soir pour toi. Peut-être. On va être copains, toi et moi. Peut-être. Les taureaux. Arrêtez de vous faire des idées fausses car vous irritez votre entourage. Très bien, les gémeaux. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas sentimentaux. Les cancers. Ayez confiance en vous et sortez de votre routine. Les lions. Cessez de vous mettre du travail sur le dos. Mais oui, ça sert à rien. Il y en a d'autres pour le faire à votre place. Bah, c'est ça. Les vierges. Ne prenez pas tout comme si c'était un concours. Les balances. Investissez-vous plus dans votre relation, cela portera ses fruits. C'est sûr. Les scorpions. Allez vers un ami, il a besoin de votre aide. Les sagittaires. Montrez plus d'affection envers les gens qui vous sont chers. Les capricornes. Ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Soyez forts. Pardon. Les verseaux. Accordez-vous un peu plus de repos. Très bien. Et les poissons. Vous êtes insatisfaits et vous avez tendance à maltraiter votre entourage. On dit tendance chez nous. Méchant poisson. Voilà. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de problème. Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. D'accord, oui. À la bonne journée. Bah oui. Et bah voilà, très bien. Et puis parce que j'aime beaucoup Julie, j'ai une petite chanson pour elle, dédicace spéciale. Ah, merci. Merci, c'est charmant. C'est vraiment charmant. Vous avez moi aussi, je suis maltraitée, on peut dire. Le son de Pink sur Fun Radio avec Stupid Girl, il est 8h24. Bon réveil tout le monde, c'est mardi aujourd'hui, on est le 30 août. Et nous allons maintenant faire la déclaration express. Il y a qui est là d'ailleurs pour la déclaration express? Nous avons Sam, 20 ans de Charleroi. Salut Sam, 20 ans de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Ça va bien? Salut. Ouais, ça va. Bon, et d'ailleurs, on remercie tous les auditeurs de Charleroi, puisque grâce à eux, nous sommes premiers à Charleroi, donc ça fait plaisir. Ah. Et oui, bah c'est normal. Oui. Non, mais en toute simplicité, je veux dire. Oui, ah bah, écoute, évidemment. On est quand même les meilleurs. Mais voilà, le... non, mais. C'est qu'est-ce qu'on ferait sans les Carolo? Et puis, on n'est pas modeste, c'est ça qui est bien. Ah non, c'est ça. Bon, Sam, alors, t'appelles pour la petite déclaration express, toi? Ouais. On va donc appeler ta copine, ta future copine, ta future ex-copine. Ma copine. Ta copine, ok, très bien. Eh ben écoute, c'est parti, on va l'appeler, elle s'appelle comment? Cassandre. Eh ben écoute, on l'appelle, tu lui dis, voilà, machin, j'ai un truc à te dire, elle va dire, ah bon, bah c'est quoi? Et puis là, hop, là, non. C'est pas sûr de répondre. Ouais, bah tant pis, au pire, si c'est le répondeur, tu dis quand même, voilà, j'ai un truc à te dire, écoute. Ah, mais pareil. Ah, ça va. Bon, allez, c'est parti. Ça ne sonne pas. Ah voilà. Monsieur. Oui, bah je m'inquiète un peu. C'est la téléphonie qui est lente. C'est vrai. Long. Et puis il y aura un écran plat à gagner aussi après, hein, avec la devinette qui colle là, donc restez bien là. Oui, effectivement, ça risque d'être un répondeur à ce tour-ci. Hein. Ah oui, mais la pauvre, on l'a pas prévenu. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé sur mon portable à 8h03. Les gens, d'habitude, tu dors à ce tour-là, vous êtes fous. Non, mais attends. For English, press 1. For Netherlands, druk op 2. Allez. Welkom bij voicemail 04. Oh, pas tout recommencer, sans déconner. Elle est néerlandophone, ta copine? Non, c'est Tof qui a appuyé sur le mauvais bouton. Non, j'ai appuyé exprès sur deux. Ah, oui.

spectateurs auront fait un tour complet de la note d'Elio Di Rupo avant que le formateur ne se rende chez le roi. Un conducteur belge doit souffler dans le ballon une fois tous les 8 ans en moyenne. Ces contrôles devraient normalement avoir lieu une fois tous les 3 ans, ce qui veut dire au moins 2,1 millions de contrôles de police annuellement, mais actuellement il n'y en a que 750 000 par an. Les moyens sont mis en place pour augmenter ce nombre de contrôles et normalement en 2020, les 2 millions devraient être atteints d'après la ministre de l'Intérieur Annemie Turtelbaum. La Belgique est en revanche plus stricte en ce qui concerne les amendes et les taux d'alcool dans le sang autorisés. Et puis à l'étranger, Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair se sont rendus au FMI hier après-midi. L'ancien directeur du Fonds monétaire international voulait faire ses adieux à l'institution et surtout présenter ses excuses. DSK, qui a bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusé de crimes sexuels, a été très applaudi par le personnel. Et enfin en sport, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale de cet après-midi du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud. 8h34, la météo maintenant, Julie. Les nuages seront encore nombreux. Quelques éclaircies sont possibles. Température pas possible, plus... Hein. Possible. Pas plus de 18 degrés du côté des températures. Demain, le soleil sera un peu plus présent, mais pas la chaleur, malheureusement. Mais on peut pas tout avoir. Allez, l'info en plus, maintenant. Fun Radio. À 8h34. Alors moi je voulais vous parler du Superman de Liège. C'est un riverain qui est parti dans la rue pour secourir une victime en sous-vêtements. Parce qu'il un grand psychopathe. En général, quand t'entends ça, tu restes dans ton lit, tu te dis bon, ça fait encore du bruit, là ils sont relous les gens. Mais non, écoute, il était en train de dormir paisiblement, donc en caleçon, comme beaucoup d'hommes le font, et il entend des cris dans la rue. Et là il se rend compte que deux hommes avaient braqué un passant. Et donc ni une ni deux, il n'a écouté que son courage. Il est sorti dans la rue pour les courser. Il a rattrapé le premier, malgré qu'il se faisait tirer dessus, mais heureusement par un pistolet d'alarme. Mais donc le mec il a pas peur, ça caille en ce moment. Hein. Ça caille en plus en ce moment. Il a rattrapé le premier agresseur, il l'a ramené dans un café pour qu'il se fasse surveiller avant c'est de beau. Ressortir pour aller courser le deuxième qu'il a c'est retrouvé beau. Et rattrapé aussi. Mais c'est beau également, voilà. Moi je suis très impressionné par son courage. C'était notre Superman liégeois, effectivement. Bon, l'info revient tout à l'heure à 9h et puis il y a quand même des gens qui ont répondu à Cyclope. Hein. Ah oui, bah oui. Donc voilà, on a une réponse aussi, c'était un soudeur. Non, c'est pas ça. Je vous répète la petite devinette qui colle qui vous permettra peut-être de repartir avec un écran plat. HD, alors où est-ce qu'il est, je le retrouve. Voilà, comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? C'est un métier qui en général On en a besoin quand on est enceinte par exemple. Oui, c'est surtout les filles, hein, qui vont, ah oui, non, c'est que les filles, on peut quasiment dire quasiment à 99% les filles qui vont. Les hommes n'ont pas besoin de ce genre de métier. Oui, bah ça dépend. Voilà, enfin bon. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne sont plus des hommes. C'est vrai. Oui, alors c'est plus des hommes alors. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Écran plat à gagner HD. Comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? C'est un métier, vous savez tout maintenant. Et on s'écoute le son de Stromae tout de suite avec Peace or Violence. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Stromae sur Fun Radio avec Peace or Violence. Il est 8h39. Bon réveil tout le monde. C'est mardi aujourd'hui. On est le 30 août. Et puis bon courage aussi à tous les étudiants. Là, ça va redémarrer là. Ah bah oui, là c'est la rentrée approche. J-2. Et certains sont encore en seconde cesse là. Donc bonne chance. Ah oui, à c'est eux. Vrai, ouais, c'est vrai. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas d'école. Oui, j'ai entendu ça. Il y a quelques élèves, encore une petite dizaine, surtout à Bruxelles apparemment où ils n'ont pas encore d'école. Bon, ils sont bien. Eux. Ah, écoute, ça dépend. C'est horrible. Les parents moins bien, mais les élèves sont bien. Les parents ne savent pas dans quelle école les enfants vont aller dans deux jours. Ah ouais, c'est grave. Bon, et puis je vous répète la petite devinette qui colle donc pour gagner un écran plat HD. Où est-ce qu'il est? Comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Proposer un photographe. Ce n'est bien évidemment pas la bonne réponse, à moins que ce soit des jumelles qui fassent des photos, mais non. Dans l'absolu, c'est pas ça. Et encore, c'est même pas le même trou, c'est deux trous différents. Oui, en plus. Ouais. Voilà. Donc c'est si vous avez métier... la bonne réponse, c'est un métier pour les filles. Oui, exactement. Enfin, les mecs peuvent le faire, mais c'est pour les filles que ce métier est fait. Oui, et quand on est enceinte, on va le voir souvent. Oui, exactement. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, on vous a quasiment donné la réponse. Non, mais quoi, il faut les aider. Moi, je suis pour aider les gens. Oui, on sait bien que t'es toujours là. Oui, bah oui, mais il faut les aider. C'est mignon. Blablabla. Moi, j'aime bien quand les gens, ils gagnent. Ouais, bon. 63-22. Débutez le message par rien du tout. Vous mettez la réponse, tout simplement. C'est 1€ par message. Et on vous rappelle peut-être juste après la pause. Avant ça, nous allons jouer maintenant au Petit Déj Express. Le Petit Déj Express, c'est avec qui ce matin? Bonjour. C'est avec Renaud, 24 ans de Namur. Renaud, 24 ans de Namur, comment ça va? Ça va bien. Bon, 107.5 pour écouter Fun à Namur. Hein. On salue tous les Namurois qui nous écoutent ce matin d'ailleurs, ainsi que les autres aussi d'ailleurs au passage. Et nous allons jouer au Petit Déj Express. Tu fais quoi dans la vie alors, Renaud? Moi, je suis suis maçon. Tu es maçon, d'accord. Courageux. Eh oui, courageux, effectivement. Courageux. Bon, très bien. Alors, tu vas travailler ce matin là ou t'es encore en congé? On sait jamais. Non, je suis déjà sur chantier, je travaille. Ah, d'accord. D'accord, ok. Il est déjà en train de poser les briques. Ben, il faut bien. C'est ça, tu dis que c'est courageux. Ouais. Ben, ouais. Bon, alors, Renaud. Ben, en même temps, il travaille, mais il nous écoute, hein, donc bon. Les briques et le point de travail. Mais ils mettent toujours la radio, c'est normal. Ouais, c'est le mur, ouais. Il va démarrer à un endroit, il va se retrouver 30 cm plus à gauche. Moi je vois à côté de chez ma grand-mère, ils font des travaux, ils refont la route, ils mettent les mecs, ils mettent la radio à donf, t'as l'impression que c'est. Ils écoutent. Discothèque. Non ouais. Mais c'est ça, t'as l'impression que les mecs bien, ils se sont installés pour faire une soirée quoi. Bah ouais, mais ils ont raison. Bah ouais, mais avec bon. Le bruit des machines. Renaud, on y va, Yatov qui a un plateau, il va faire le serveur comme chaque matin. 10 objets sur le plateau, des verres, des bouteilles, enfin tout n'importe quoi. Il va tenter de faire le tour du Oula, studio. Ça tremble déjà. Il va tout faire tomber. Il va tenter de faire le tour du studio en courant et tu dois me dire combien, à ton avis, d'objets il va rester à son retour. Eh ben, je dirais un bon petit zéro. Zéro, d'accord. Allez. Je tente une nouvelle technique aujourd'hui. Ouais, une nouvelle technique aujourd'hui, il met le plateau en l'air. Et ça fait très peur parce que ça vous tombe sur la tête. Moi, c'est je... encore plus haut qu'avant. Et pour l'instant, ça se passe bien. Rien n'est tombé. Pour l'instant, ça va. Voilà, c'est grâce j'étais à moi. Là, hein. J'avais fait le tour, il n'y avait rien qui était tombé. Ah oui, non, ça c'est vrai, j'ai un petit peu aidé. C'est dégueulasse. Bah écoute, sur le fil, hein, tu peux remercier Julie parce que pour le coup, c'est vraiment grâce à elle que tu gagnes. Merci. Parce que sinon, il faisait le tour du studio, il restait 10. Hein. Ah non, mais il bougeait pas là. Ah non, là c'était pas mal. Heureusement, il y a eu le petit croche-pied là. Avec plaisir. Bien placé, voilà. Je suis allé voir dans un bar comment il faisait et tout. En fait, il y a la technique du placement de doigts. Ça c'est clair. Je crois que tu t'es amélioré, oui. C'est vrai qu'il ne laisse pas faire. Il y a eu un peu d'amélioration. Bon, en tout cas, bah, bravo à toi, Renaud. Bonne journée, bon travail. Et reste au standard, on va revenir avec toi dans un instant, ok? Ok, merci. Enfin, avec toi, au standard, bien entendu. Salut, bonjour à tous les autres aussi. Allez, à plus, ciao, bye bye. Dans un instant, bah, restez bien là, puisque nous allons nous mettre un petit peu de son. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant? Je réfléchis. Ah, il y a Monday Justice qui est sympa aussi. Ou alors DJ Flash, je sais pas, je vais réfléchir. On va voir ça avec vous aussi. Moi, j'ai les deux. Bah je sais pas, je me tâte. On verra ça et on revient dans un instant avec la réponse aussi, la devinette qui colle. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h46 et on fait un tour du côté de l'infotrafic. Soyez prudents, il y a une perte de chargement sur le 42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Villers-le-Bouillet. C'est donc en direction de Liège et c'est la bande de droite qui est obstruée. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. La bande mais ça de doit... droite est neutralisée par un panneau de bois de plus ou moins 1,50 m. D'accord, très bien. Si vous êtes, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, radar également, problème, bouchon, accident, vous nous transmettez l'info 34 44. Et puis après, nous, on transmet aussi à tous les auditeurs de Fun. C'est ça, la Fun Solidarité. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Et voilà. Et donc, comme d'habitude, Julie fait la voix de la femme. sans voix. Hein, elle fait juste... Elle mime. Voilà, c'est ça. Bon, la ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h-15, 8h-15 et 9h-15. Et donc, on écoute les meilleurs messages qui ont été laissés sur le répondeur, c'est-à-dire le 0473-86-0013. Et on va écouter le premier maintenant. Écoutez ça. Je suis désolé, on a dû partir sur des mauvaises bases, donc ouais. Voilà. Ça c'est sûr. À toi de voir, et t'as toutes les mains, les cartes en main. Et en fait, je ne mange jamais de pain avec des nouilles, hein. C'est plutôt des nouilles sur du pain. Voilà. Tu manges jamais de pain. Évidemment, qui mange du pain avec des nouilles? Tout le monde mange des nouilles sur du pain. Il doit y avoir un autre message dans là-dedans. Il y a un message codé que nous n'avons pas compris. Ouais, je sais pas. Une opération secrète est en train de se réaliser. Il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Bonjour Clara, c'est Hervé. Si tu veux, tu m'appelles, tu me bipes sur mon téléphone et puis je te rappellerai. Ça t'évitera de dépenser. Voilà. Je fais des bisous et puis. À bientôt, bisous. Tu me bipes sur mon téléphone. Ah bah le relou est généreux. Ah oui, le relou est généreux et le relou est un petit peu idiot aussi, hein, parce qu'il est prêt à payer pour avoir de l'info. Il pensait qu'il y avait une bonne ouverture, tu vois. Ouais, ah bah ça c'est sûr, mais il pensait mal puisqu'il est tombé sur la ligne anti-relou. Et enfin, troisième et dernier message de ce matin, écoutez ça. Oui, bonjour Fabien, c'est Damien. Je t'appelle pour te dire à quel point j'ai adoré notre expérience dernièrement. Par contre, je compte sur ta discrétion auprès de ma femme parce qu'elle n'est pas au courant de mon sexualité. Mais mon cul restera toujours ouvert pour toi. Plein de gros bisous et à très vite. Gros bisous, au revoir. Attends, il dit quoi en fait, ma femme n'est pas au courant de mon homosexualité. De son homosexualité, oui, parce qu'en fait il est homosexuel, bah, mais c'est sa femme. C'est hyper triste, quoi, qu'il s'assume et qu'il vive sa vie. C'est quand on même dit, tu vas pas pleurer à chaque fois qu'on dit quelque chose. Oh là là. C'est incroyable. Non, mais attends, c'est triste, quoi. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Les gens se trompent. Quoi, la vie n'est pas faite de bisounours. C'est un truc de fou. Toi qui fais les infos, tu devrais le savoir. Bah oui, un peu trop. Attention, radar à Nivelles également. Donc voilà, comme ça vous savez, sur la E19, j'en déduis. Ou alors vous me dites, précisez un petit peu où oui, ça parce se trouve, que radar parce que à Nivelles, c'est un petit là, c'est peu. C'est un peu vaste. Vague, ouais, c'est un peu vague. Bon, je répète la question, on a quelqu'un là? On a quelqu'un, nous avons Betty. Ah bah voilà, Betty de 28 ans de Charleroi. Salut Betty, 28 ans de Charleroi, comment ça va? Salut, ça va bien avec vous? Bon, bah oui, ça va bien. Quand je sais qu'on était premier à Charleroi, c'est vrai, 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Alors, Betty, tu fais quoi dans la vie? Tu es infirmière. Infirmière, très bien. Oui. Betty, eh bien, on t'appelle pour la petite devinette qui colle pour tenter de repartir avec un écran plat HD. Ouais. J'allais dire TNT, mais HD en fait. Comment. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? C'est un métier, donc. C'est un métier? Oui. J'avais mis un cyclope, mais... Un cyclope, mais malheureusement, ah c'est la mauvaise c'est réponse cyclope, en plus, Betty Toff l'a dit au tout début, il a dit un cyclope, et on l'a dit, et Julie a dit, mais c'est pas un métier, Toff. C'est avec son air un peu hautaine. Non, certainement pas. Non, Betty, tu m'as déçu, tu sais que c'est la première qui passe et qui rate. Mais oui, moi aussi, Betty, tu m'as déçu, j'avais mis tellement d'espoir dans ton 95C. Mais ouais, bon, écoute, c'est pas grave, Betty, je t'offre Toff pour une nuit. C'est pas forcément un cadeau, mais ah sûr non, ça c'est te pas prie, un cadeau, ça, Betty. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en fais, t'as jamais voulu essayer? C'est vrai. Bah oui, bah justement, je crois que je sais. Bah écoute, gros bisous, Betty, quand même. Hein. Gros bisous à toute l'équipe, une bonne matinée. Hein. Bon, bah c'est gentil, on va quand même t'offrir un petit cadeau, quand bah, même, oui, pour quand le même, principe. Ouais. D'accord? Oui, ça va, ça va. Gros bisous. Merci. Salut, salut. Oui. Ciao, bye bye. Bon, on dit c'est E19 direction Bruxelles. Désolé, difficile en conduisant. Oui, bah, merci en plus, pour l'info. Bah, voilà, et n'écris pas de SMS. Exactement. Bon, bah, du coup, dois-je répéter l'énigme? Enfin, l'énigme, la petite devinette qui colle, là. Comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Voilà, c'est un on métier. On ne repart pas d'ici femmes, tant qu'on n'a pas blablabla. Un gagnant. Et il y a un écran à gagner, un écran plat HD. Voilà, 63,22, c'est 1€ par message. Et les Maroon 5 qu'on écoute maintenant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Donc on y va en général quand on est enceinte, c'est ça hein. Exactement, voilà, surtout beaucoup quand on est ouais. Voilà. Mais c'est que pour les femmes hein. Oui, voilà, aussi. Les hommes n'y vont pas. Allez, 8h51, bon réveil. Julie, je t'ai déjà dit d'arrêter de chanter, ça devient pénible pour tout le monde là. Arrête de me faire passer pour toi s'il te plaît. Sans déconner. En tout cas, un morceau qui donne la pêche ce matin, 8h54. Maroon 5 avec Christina Aguilera, c'était Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Nous allons dans quelques instants, bah, encore une fois, appeler avec Toff là pour qu'il trouve du travail. Est-ce qu'on a la bonne réponse maintenant, une bonne fois là? Enfin, j'espère. On a quelqu'un en tout j'espère. Cas. J'espère. Comment s'appelle-t-il? Well. Nous avons Vittorio, 42 ans de Bruxelles. Vittorio, salut Vittorio de Bruxelles, comment ça va? Ça va très bien, vous? Eh ben, ça va bien. 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Alors, Vittorio, je répète la question. Il y a eu beaucoup de bonnes réponses, mais tout à l'heure, j'étais vraiment premier surpris que Cyclope tombe, pour le coup. Si on l'a pourtant bah, après, si avoir répété 15 l'indice. Fois. Oui, mais on l'a répété plusieurs fois quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, Betty, on t'en veut pas quand même. Comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Un gynécologue. Eh ben, bien voilà joué. L'écran plat, il arrive chez toi. L'écran plat HD qui va arriver directement à Bruxelles. En plus, c'est bien comme ça. Ça ne coûtera pas trop cher pour l'emploi. Ça va trop loin. Tu vas venir le chercher, comme ça, c'est plus pratique. Merci. Eh ben, je t'en prie. Tu fais quoi dans la vie, Vittorio? Je travaille comme électricien. Électricien, très bien. Eh ben, écoute, bah, bon boulot alors. Hein. Merci. Mais je t'en prie. Salut à toi, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Et sinon, il y avait quelqu'un d'autre qui avait proposé. C'était quoi? Architecte, j'ai un vu. Architecte, ouais. C'était Vito de Mons. Vittorio, pardon, de Mons, un autre. Bon, ben bah, voilà, hein, comme ça. C'est plié maintenant. L'écran, oui. Il est parti. On en remettra peut-être d'autres demain ou d'autres cadeaux. On verra bien. Et puis, bah, Toff, bah, je pense qu'on va, pouvoir y aller, là. Hein, tu vas. Je pense que tu vas pouvoir arriver à faire reculer le chômage en Belgique ou pas? Ah, écoute, c'est bien parti quand même. Tout à l'heure, j'avais pratiquement un poste d'animateur télé. Non. Elle t'a dit de revoir un peu à la baisse dans, blague, dans fait, un call sauf. Center. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, peut-être, mais c'est un travail. Oui. C'est un travail pour un homme comme ouais, moi, ouais, sans ouais, expérience. Ouais. Bon, allez, on appelle une autre agence d'intérim. On a fait Marche tout à l'heure, on a fait Charleroi également. Et on va voir si tu arrives à avoir un travail en n'ayant aucune expérience de toute ta vie. Hein. Voilà, c'est ça. N'ayant jamais travaillé, je suis sûr que là, c'est bon, je vais avoir la place en or. Ouais, bon, on appelle où? À Moucron. Moucron. Allez, c'est parti, on compose et on appelle direction Moucron maintenant. Ça ne sonne pas. Ah, voilà. 8h56, il y a les infos aussi derrière qui arrivent. Trace Lisette, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, J'appelle parce que je voudrais un travail. Oui. Voilà. Vous êtes déjà inscrit chez nous ? Non, en fait, j'ai jamais travaillé. J'ai bientôt 40 ans et en fait, je n'ai jamais rien fait. Enfin, j'ai jamais eu besoin parce qu'avant, j'avais le chômage. Oui. Mais voilà, là, j'ai reçu des courriers comme quoi ils allaient arrêter. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il était temps de commencer à travailler pour gagner un peu d'argent, quoi. D'accord. Ben, il faut venir vous inscrire donc le lundi matin entre 9 et 11 heures. Vous venez avec un CV, une pièce d'identité. On va vous créer un dossier. Ah oui, mais et si je fais un CV, alors vous allez pouvoir me trouver un travail. Non, parce ça dépend. Ah oui, non, ça dépend de nos demandes clients. Ça dépend dans quoi vous souhaitez travailler. Qu'on a un entretien tous les lundis matin entre 9 et 11 heures. Oui, ah oui, parce que c'est le matin en plus. Oui. Ah bah oui, mais enfin bon, vous comprenez, moi déjà que j'ai jamais travaillé, si en plus je dois me lever tôt juste pour venir déposer un CV qui va peut-être pas me donner de travail, c'est quand même. Vous pourriez au moins faire un effort et me garantir un travail, quoi. Oui, mais c'est vous qui m'appelez pour chercher un travail, monsieur. Donc ça, c'est nos horaires d'inscription. À vous de voir si vous avez envie ou pas non, de venir. Moi, je ne vous oblige pas. Moi, j'ai pas vraiment envie de venir. C'est si vous avez un travail, je viens et je le prends. Mais si vous en avez pas, je reste chez moi. Attendez. Bah alors, dans ce cas-là, je vous propose de pas venir. Hein. Ah bah voilà. Voilà, vous voyez, donc vous n'aviez pas de travail pour ça, moi. C'est en fait. À vous de voir si vous voulez pas vous lever pour venir vous inscrire. Bah, non, vous c'est pas. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas la question. Je vous demande si vous avez du travail. Vous me dites que non, alors je viens pas. Si vous me dites j'ai du travail, je viens. Mais je vais pas venir pour rien. C'est logique. D'accord. Ok. Ben dans ce cas-là, allez. Ça c'est à vous de voir. Moi, vous pouvez venir vous inscrire tous les lundis matin entre 9 et 11 heures. À vous de voir, hein. Donc ça c'est pas ma décision. Hein. Non, mais c'est pas ma question. Moi je vous demande s'il y a du travail, parce que si je viens m'inscrire c'est qu'il y a du travail. Mais ça change tous les jours, monsieur. Moi je peux pas vous dire si demain je vais avoir des demandes ou pas. Ça dépend de mes clients. D'accord, mais là vous avez des demandes ou pas ? Aujourd'hui j'ai pas de demande. Ah voilà, donc vous voyez vous n'avez rien. Donc je vous rappellerai demain et on verra demain si vous avez des demandes. Ça vous faites comme vous voulez, oui. Ah bah oui, voilà. Bah sinon ça sert à rien. Je vais venir, je vais m'inscrire, je vais perdre mon temps, ça sert à rien. Donc je vous rappelle demain et puis demain on voit si vous avez des offres. Voilà, on peut faire comme ça. Eh ben parfait. Ben écoutez, je vous rappelle demain alors pour voir si vous avez du travail. Pas de souci, merci. Voilà, au revoir. Voilà. Et le plus gros relou du monde. Donc, mais attends, à mais qu'est-ce qu'elles sont sympas, quoi. Ouais, depuis ce matin, ouais. Les trois, elles ont été adorables. Ouais, vraiment, vraiment tranquille, quoi. Vraiment parce tranquille. Que moi, un mec comme ça, mais je l'envoie, mais. Attends, il y a du travail. Je viens, il n'y a pas de travail. Bah, je viens pas. Bah, ouais. Elle est au boulot, là. Elle s'est levée ce matin. Et toi, t'es là. Oh non, je bouge pas. Bah, c'est pas trop tôt le matin. Elle bosse. C'est ça. Elle a des. Oh là là. Allez, 8h59 sur Fun Radio. C'est l'info qui arrive dans un instant. Mickaël à la radio. Tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Exactement, et j'ai la petite question qui colle, la dernière maintenant, pour repartir avec peut-être des places pour le parc Astérix ou alors des jeux vidéo. C'est Harry Potter et les. Reliques de la mort. Les Reliques de la mort, partie 2. À chaque fois, j'oublie. Il faudrait que je me le note, en fait. Ce serait beaucoup plus pratique, je pense. Les Reliques de la mort, partie 2, donc. Ou alors le Sims 3, l'additionnel. Donc, la partie additionnelle qu'on vous file ce matin. 63,22 par SMS. C'est 1€ par message. Si vous avez la réponse, pourquoi des enfants attaquent-ils leur mère en justice? C'est surréaliste. Ah oui, j'ai entendu. Non, mais il y a un moment, il y a un problème dans la tête des gens, quoi. Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Pourquoi des enfants attaquent-ils leur mère en justice? Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Dans moins de 10 minutes, on va vous payer vos factures également. Et puis, 9h, je l'avais dit, c'est l'heure de retrouver les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Drame à Melun hier en début de soirée. Un jeune pompier de 21 ans a perdu la vie dans l'incendie d'une maison rue du Sard. Deux autres pompiers sont également blessés. Les pompiers de Wavre sont venus en renfort aider leurs collègues de Jedogne. Le feu est à présent maîtrisé. Les avocats de Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, vont introduire une nouvelle demande de libération. La précédente avait été refusée parce que les conditions de réinsertion n'était pas respectée. Michel Martin devait se rendre dans un couvent en France, mais la France a refusé de l'accueillir. Ce matin, une audience est donc programmée pour que ses avocats introduisent une nouvelle demande en proposant de nouvelles conditions de réinsertion, encore tenues secrètes. Romain Hissel, le fils de l'avocat Victor Hissel, a été libéré hier sous caution. Il était inculpé de menaces et de tentatives de carjacking. Le parquet a 24 heures pour faire appel. Cet après-midi, le format Elio Di Rupo se rend chez le roi pour faire un rapport intermédiaire. Les négociateurs se voient encore ce matin pour discuter de la responsabilisation financière ou encore des transferts de compétences. Ainsi, les négociateurs auront fait un tour complet de la note du formateur avant que ce dernier ne se rende chez le roi. Un conducteur belge doit souffler dans le ballon une fois tous les 8 ans en moyenne. Ces contrôles devraient normalement avoir lieu une fois tous les 3 ans, ce qui veut dire au moins 2,1 millions de contrôles de police annuellement. Mais actuellement, il n'y en a que 750 000 par an. Les moyens sont mis en place pour augmenter ce nombre de contrôles et normalement en 2020, les 2 millions devraient être atteints d'après la ministre de l'Intérieur Annemie Turtelbaum. Par contre, la Belgique est plus stricte en ce qui concerne les amendes et les taux d'alcool dans le sang autorisés. À l'étranger, Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair se sont rendus au FMI hier après-midi. L'ancien directeur du Fonds monétaire international voulait faire ses adieux à l'institution et surtout présenter ses excuses. Dominique Strauss-Kahn, qui a bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusé de crimes sexuels, a été très applaudi par le personnel. Et puis enfin en sport, bel exploit pour les frères Kevin et Jonathan Borlée. Ils se sont qualifiés pour la finale cet après-midi du 400 mètres à Daegu en Corée du Sud. 9h02 sur Fun Radio, c'est l'heure de la météo. Les nuages sont encore très nombreux, de petites éclaircies sont possibles, température pas plus de 18 degrés. Demain, le soleil sera plus présent, mais pas la chaleur, malheureusement. Eh oui, c'est bien dommage. Bon, et puis plein de réponses qui arrivent aussi là par rapport à la petite question qui colle. Pourquoi des enfants attaquent-ils leur mère en justice? Car leur maman ne veut plus leur donner d'argent de poche? Non. Pour avoir les allocations familiales? Non plus. La mère a insulté ses copains sur Facebook en piratant son compte? Non plus. Car ils sont laids? Ce n'est pas ça non plus. Ils sont laids. Parce qu'elle fait faire des tâches ménagères, c'est pas la bonne réponse non plus. C'est à base de cadeaux. J'en dis pas plus, mais c'est à base de cadeaux. Voilà. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1 euro par message. Fun Radio. Fun Radio. Et restez bien là, puisque dans un instant, je vais vous passer une nouveauté qui déchire. Attention, si vous n'êtes pas réveillé là, vous avez une petite minute pour vous remettre dedans, là, parce que ça risque de vous faire un peu... Ça va secouer. Ouais, ça va secouer un peu, ouais. Allez, l'info en plus, maintenant, à 9h04. Alors moi, je voulais vous parler ce matin d'un boulet, on peut le dire. C'est un Australien qui était en plein déménagement. Il faisait ses petits sacs très tranquillement. Il a mis tous les bijoux de sa femme et les lingots d'or qu'il cachait dans leur maison dans un sac. Et ben, il a acheté le sac à la poubelle, sans faire normal. Exprès. Voilà, mais normal. Oui. Donc, il a supplié les autorités locales. Local de pouvoir aller chercher dans la... parce que le sac évidemment a été emporté par la benne à ordures et donc balancé dans la décharge publique. Donc il a supplié de pouvoir aller chercher parmi les millions de déchets ce fameux sac rempli de lingots d'or et de bijoux de famille qui vaut quand même, on peut le dire, 37 000 euros. Oui. Donc il n'arrive pas à le retrouver pour l'instant et on pense qu'il ne le retrouvera jamais. Il y a de fortes chances. Hein. Donc voilà, la femme prend les choses assez bien apparemment. Par contre, les amis du couple n'hésitent pas à lui rappeler le prix de l'or actuellement. Bien qui sûr, est bien quand cher. Même assez cher. Oui, qui est bien cher. Hein. Non mais comme ça il aura pu contribuer à faire son propre César, oui, et ça c'est beau. Non mais le voilà. Pauvre, quoi. Mais c'est ça, c'est quand c'est même ça. La boulette quoi. Tu m'étonnes. Bon, dans un instant on va payer votre facture, c'est dans 3 minutes hein, pour être précis. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous paye votre facture, n'hésitez pas, car oui, on le fait 3 fois par jour ici. Mmh, bah oui. 63,22, vous débutez votre message par facture, c'est 1 euro par message. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et dans 3 minutes on vous appelle, peut-être vous là, qui êtes derrière votre radio, dans votre voiture, peu importe. Pour qu'on vous rembourse votre facture, comme la facture de mazout, 300 euros qui vient d'arriver, 249 euros pour le poulailler de luxe, bah oui, ça tu m'étonnes, 529 euros pour une tablette PC, 74,50 euros pour un e-kit cigarette électronique. C'est bien aide d'avoir arrêté de fumer, c'est bien. Mais facture... Il n'a pas encore tout à fait arrêté, hein, oui, mais si bon. On est aux cigarettes électroniques. C'est vrai. Armoire de la chambre. Accro, ça. Ouais, ça aussi, mais enfin, ça reste moins nocif que la clope normale. C'est armoire vrai. De notre chambre, 387 euros, 228 euros pour une mensualité de pré-voiture, 500 euros pour le cadastre, 300 euros pour le téléphone, 44 euros pour l'Espagne, jeune pour mon fils, d'accord. Oui. 189 euros pour la décoration de la salle pour le mariage, etc. Bon, 63,22, débutez le message par facture, c'est 1 euro par message, vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et attention, je vous parlais de ce morceau qui fait du bruit, on peut le dire, mais qui réveille pas mal. C'est Niro qu'on écoute maintenant avec Promises. Donnez-moi votre avis hein, si vous aimez le morceau ou pas sur Facebook mikael.fm ou alors par SMS au 3044. Niro maintenant, Promises, morceau préféré de Julie, on écoute, c'est parti. Arrête un peu là, Julie, merde! C'est fini, bah, oui! Arrête, mais n'importe quoi! Toujours en train de chanter sur on les chansons. On a bien reconnu ta voix, tu sais. Qu'est-ce qu'il est énorme ce morceau! Pas le mal, hein. on a bien reconnu, il était énorme. Niro à l'instant, avec Héloïse qui a envoyé un message qui dit ça déchire. Franchement, je le trouvais bien, je suis pas l'abri de le remettre. Bah écoute, ouais, mais il est bon ce morceau, mais c'est juste. Je suis pas l'abri de le remettre. Hein. Je suis pas l'abri. Peut-être avant 9h30. Mais enfin, monsieur. Non, non, il est bon, bah, je vais le remettre avant 9h30. Il est très très bon, mais avant pas de partir. Bah, tu t'es sorti du studio, arrête. Non, un bah peu. Écoute, j'avais des trucs à faire, mais. Ah, pas à 7h, donc à 6h50, je peux demain. Bon, allez, on va dans donner la réponse. Oui, je sais, j'ai fait l'école du rire. Dans un instant, pourquoi les enfants attaquent-ils leur mère en justice? On va donner la réponse. On fait d'abord les factures ou d'abord ça, Tof? On fait d'abord les factures. D'abord les factures, ah bah oui, mais c'est pas la musique alors. Hein. Hop là. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, chaque matin, 7h10, 8h10, 9h10, 3 fois par matinée, car oui, on n'a pas peur. On appelle. Peur de rien. Exactement, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite par SMS au 6322 en débutant le message par facture, tout simplement, mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. On paye quoi, Tof? Combien? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? C'est Fun Radio? Je ne sais pas, ça dépend. Quel est le montant de la facture? Ça dépend combien tu veux. 1000 euros. Non. Ah non, ce n'est pas nous, non. On paye combien, Tof? Attends, je te dis ça, 40 quelques euros. Elle veut dire, ouais. 44 euros. Combien? Déjà, comment tu t'appelles? On va déjà se présenter, hein. Brielle. Comment? Brielle, d'accord, ok. Alors, oui. Le montant de la facture, c'est combien? Attendez, j'ai coupé ma radio parce que j'ai le retour. Ah oui, oui, bah c'est mieux, oui, c'est mieux. Voilà, voilà. Oui, voilà, je vous entends mieux, oui. Ah bah voilà. Alors, tu disais donc, c'est combien? C'est 44 euros et c'est pour l'épargne jeune pour mon fils. Oh oui, c'est bien. Fun Radio. Ça n'est pas trop cher, c'est bien nous. Non mais je dis ça, c'est parce que à chaque fois on prend l'attention du boss et comme il va à chaque fois mal, là, je sais qu'il connaît pas le montant à l'avance. Là l'attention vient de remonter. Ouais. Ah ouais, ça va mieux, ouais. Bon Riel, t'as quel âge, tu es dans quelle ville toi au fait? Pardon? T'as quel âge et tu es dans quelle ville? Quel âge? Oui. Oui, quel âge as-tu? Oui. Oui, 44. 44, c'est pas grave, Riel. Hein. Oui. Et tu es dans quelle ville? Framerie, d'accord, ok, très bien. Oui. Bon, Riel, en tout cas, on va te rembourser la facture, il n'y a pas de problème. Je te renvoie au standard, on t'explique tout comment ça marche. D'accord? D'accord, ça va, merci. Je te fais des bisous, avec à bientôt. Plaisir. Merci, bisous, salut, au revoir. Salut, ciao. Bon, ben voilà une bonne chose de faite, on remettra le couvert dès demain, évidemment. 6322, débutez le message par facture. On retirera au sort demain à partir de 6h du mat. Je compte sur vous pour rester là. Et puis dans un instant, la réponse aussi, pourquoi des enfants attaquent-ils leur mère en justice? On donne la réponse juste après la pause. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Voilà le son de Pitbull à l'instant, c'était Give Me Everything sur Fun Radio. Tous les matins on est là, il est 9h18, bon réveil tout le monde. On mettra pas mal de sons aussi dans un instant et avec un excellentissime son qui va passer. J'ai l'impression de l'avoir entendu il y a 5 minutes mais il est tellement bon que je crois que c'est bon. Quoi, tu vas remettre l'autre là? Je ne sais pas. Fun Radio. L'horoscope. Voilà, l'horoscope maintenant avec Doudou qui est avec nous. Rebonjour Doudou. Doudou? Oui. Voilà, je vous entendais mal, c'est pour savoir si vous étiez encore là ou pas. Mais oui, je suis là, C'était là. Bon, qu'est-ce que c'est encore là? Vous avez quand même pas craché dans le studio là? Mais non, je suis pas comme ça moi. Non, j'avais encore envie de remanger des huîtres. Doudou, il est toujours 9h du matin. Hein. C'est ça l'odeur. Ah bah, quelle horreur. Mais bon. Ça sent rien, c'est un peu de citron avec... Bon, j'avais dit plus de bouffe. Et ça en plus le matin, enfin bon. Bah oui, bon, enfin c'est les risques que j'ai ramenés de l'instant. Commençons avec les béliers. Vous voyez que je vais me remettre Niro dans un instant ou pas? Bah vous savez, je suis pas voyant, moi je suis marabout. Mais je peux vous jeter un sort pour le remettre. Non, ça ira. Bon, les béliers, on commence avec les béliers comme d'habitude. Alors vous vous trouvez enfin dans une bonne situation financière et de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. Ça rend pas bien compte, mais d'accord. Les taureaux. Mais si ça va venir, attendez. C'est la fin du mois. Ouais, bah justement. Les taureaux. Arrêtez de vous faire des idées fausses car vous irritez tout votre entourage. Les gémeaux. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas sentimentaux. Eh oui, les cancers. Ah, c'est pour moi. Ayez confiance. Ah, oui, en vous et surtout, sortez de votre routine. Avec plaisir. Mais bien sûr, les lions, pardon. Cessez de vous mettre du travail sur le dos. Mais oui, ça sert à rien, il y en a d'autres pour le faire. Les vierges. Ne prenez pas tout comme étant un concours. Les balances. Investissez-vous plus dans votre relation car cela portera ses fruits. Les scorpions. Allez vers un ami qui a besoin de votre aide, alors tendez-lui la main. Les sagittaires. Montrez plus d'affection envers les gens qui vous sont chers. Les capricornes. Après, je ne sais pas à quel prix. Oui, ça aussi, c'est un problème. Alors, les capricornes, ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Les Verseaux. Accordez-vous un peu plus de repos. Mais oui, levez-vous dans une heure. Mais oui, c'est ça. Et puis enfin, les Poissons. Vous êtes insatisfait, vous avez tendance à maltraiter votre entourage. Mais oui, c'est mal. Mais oui, attention, vous allez vous faire arrêter. Bah, c'est ça. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Bah, de rien, moi, c'était avec plaisir. Bah, oui, bah, j'imagine bien. Bah, oui, à tout à l'heure, Doudou. Et puis, bah, au niveau, oui, dans un instant, au niveau du son, on va se mettre, bah, on va se mettre maintenant, tu es directement Jason Derulo maintenant, avec Hit Girl sur Fun Radio, 9h20. Ah, il est content, Jason, je sais pas comment son morceau. Hein, il a l'air heureux. Il est content, Jason, hein? Oh, yeah. Bah, tiens, qu'est-ce que je disais? I've been looking under rocks and breaking. Le son de Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio, c'était Hit Girl, 9h23. Bonjour, bon réveil tout le monde. C'est Fun Radio et nous avons Sabrina qui est avec nous maintenant pour la question qui colle. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? C'est Stéphanie, 24 ans de Waterloo. Mais c'est presque ça. Salut Stéphanie, 24 ans de Waterloo. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, tant mieux. Et vous? Eh ben, ça va, ça va. On a la pêche. Bon, oui, t'appelles de Waterloo et tu nous écoutes miraculeusement sur le 104.7. Compliqué d'écouter ça à Waterloo. Hein. Très compliqué. Ouais, c'est parce qu'elle nous aime, c'est pour c'est ça. D'ailleurs, si le CSA peut faire un petit effort, hein. Pas compliqué, hein. Juste mettre une petite antenne là, ça ferait plaisir à tout le monde. Hein. Non, mais c'est vrai quand même. Voilà. Bon, Stéphanie, alors, toi aussi d'ailleurs, tu voudrais qu'il y ait fun à Waterloo, ce serait quand même plus facile. Ouais, ce serait plus facile. Bon, bah voilà, alors si tu peux faire un petit message, dis bonjour monsieur le CSA, vous êtes très gentil, mais est-ce que vous pourriez mettre une antenne en plus? Ça va, je trouve ça. Bon, c'est bien gentil de ta part, Stéphanie. Bon, alors. La porte-parole de Waterloo. Mais tout à fait, elle a raison. Pourquoi des enfants, Stéphanie? Pourquoi des enfants attaquent-ils leur mère en justice? Parce qu'ils reçoivent des cadeaux pourris de leurs parents. Oui, exactement. Donc elle les a pas maltraités. Vous avez été nombreux à dire ça. Elle les a pas empêchés de faire des études. Par contre, donc cette mère indigne est accusée d'avoir offert une carte d'anniversaire ringarde à son fils, refusé à sa fille une visite dans un salon auto et de l'avoir obligé sa fille de 7 ans à porter sa ceinture en voiture et d'avoir appelé sa fille à minuit alors qu'elle était de sortie et de lui aussi de lui imposer de rentrer immédiatement à la maison et aussi de ne pas avoir acheté de jouets en suffisance et d'avoir marchandé le prix d'une robe de soirée pour sa fille. Résultat, les enfants ont porté plainte. Voilà. D'accord, bah les gosses. Rassurez-vous, ouais. Le tribunal a rejeté la plainte. Ah bah tiens, vous avez <heureusement. rire> encore heureux. Bon, eh ben bravo à toi, Steph, c'est gagné. Bien joué. Merci. Je t'en prie, je te fais des bisous, Steph. À bientôt. C'est parti. Salut, salut, ciao. Bon, ciao. Et puis la petite question qu'on avait posée tout à l'heure, certes, mais est-ce que vous connaissez tous Kamel Wally? Bah oui, c'est le mec qui fait toutes les comédies musicales qui cartonnent. Ouais, les chorégraphies, voilà. Ouais. Exactement. Mais surtout, il a fait la Starac quand même. Oui, et puis il a fait Cléopâtre, le Roi Soleil, et il y a pas longtemps, il a aussi fait Dracula. Et donc bah, oui, surtout, la Starac aussi, ouais. Surtout, c'était le grand chorégraphe de la Starac. Mais bien sûr, c'est ça. Eh ben, il va faire une nouvelle comédie musicale. Ah bon? Eh oui. Eh ben, tu vas voir, on a la bande, alors on s'écoute en exclusivité mondiale. Après le triomphe du Roi Soleil. Je fais de toi. Après le sacre de Cléopâtre, Kamel Wally revient dans une toute nouvelle comédie musicale encore plus époustouflante. Kadhafi. La réalité de la vie du dictateur enfin mise en musique. Des scènes de combat encore jamais vues sur scène. Kadhafi, une comédie musicale très... What the fuck? Prochainement en tournée mondiale. Eh ben voilà. Il arrive à se renouveler, et ça c'est beau. Hein. Oh là là, ça va faire un carton, ça c'est sûr. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Bon, dans un instant, alors j'hésite. Soit on a le temps de passer Nero avec Promises. Tu veux dire repasser? Oui, sachant que je l'ai mis il y a quand même 20 minutes quoi. Ouais. Voilà, soit je demanderai à Lucas de le mettre dans 5 minutes. On va d'abord réveiller Evan, parce que bon, Evan avait une soirée hier soir. Et donc, il m'a dit oui, je passerai à la radio, mais pas avant 11h30. Oui, bien sûr, je comprends, il faut que tu dormes, Evan. Donc, c'est pour ça qu'on va t'appeler. Oui, c'est pour ça qu'on va te réveiller. Hein. Allez, c'est parti, on va appeler Evan que vous allez retrouver dans la tribu à partir de la rentrée là. Bon, alors. Je suppute qu'il ait coupé ses téléphones, mais bon, on sait jamais. En même temps, on a deux numéros. Ils ont terminé à quelle heure la soirée aussi? 4h30 là, il m'a envoyé un mail. Juste avant le moment où je me réveille. Allô? Oui. Qui est là? Ah, c'est Steph. Attends, bouge pas. Ah, ouais, un petit souci de standard. Ouais. Non, mais avec qui dort Evan? Oui. C'est sa femme qui va être contente. Donc c'est marié il y a deux jours. Oui, c'est ça, il s'est marié le week-end dernier. Ça l'arrache pas trop quoi. Oh, ça ne décroche pas chez Evan, je suis très déçu. très très déçu. Raider profondément. Ah, à cause de lui, on va devoir remettre une deuxième fois Niro. Ah hein, oh là là. Allez, on a pas le choix. Bonjour, vous êtes bien sur mon répondeur. Alors, je vous en prie, laissez donc un message. Oh. Quelle voix. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. On a un autre numéro, on va quand même laisser un message, on sait jamais. Il n'y a pas d'autre numéro. Evan, c'est Mickaël, on t'appelait pour te souhaiter le bon réveil. Malheureusement, bonjour Evan. Malheureusement, tu n'as pas décroché et sache que la Belgique entière est triste. Oui, on comprend aussi, mais que la Belgique entière est triste. On voulait avoir un peu plus d'infos pour savoir si c'était bien passé la soirée hier soir, tout ça, mais bon, on voit que tu n'es pas professionnel et c'est bien malheureux. Voilà, je suis vraiment très déçu. Mais tu vois, déçu, c'est encore au-delà de voilà, ça. Voilà, on est archi non, déçu. Pis, c'est pas grave. Bon, ben, Van, à tout à l'heure alors. Ah, déçu là, ça m'a flingué mon émission. Moi, j'aurais bien voulu entendre Evan. C'est vrai, parce qu'en même temps, on a Lucas qui est là, donc bon, ça va. C'est le même. Ouais, ouais, voilà. C'est à peu près le même, avec les lunettes de soleil en plus, quoi. Et vous avez remarqué, j'ai fait attention à comment je m'habille aujourd'hui. Ouais, c'est parce vrai. Que je me dis, bon, qu'on se fout de ma gueule en arrivant. Ah non, mais il était beau ton t-shirt hier. Pas du tout. Ah ouais, attends, c'était très sexe. Mais il était très beau, ouais. Mais bien sûr. Vert pomme comme ça, très chouette. Mais oui, on a envie de troquer. Non, mais c'était bien. Oui, parce qu'il faut quand même savoir qu'elle a un frigo à la maison. Elle dort avec un frigo. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure à 7h. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que j'avais eu froid cette nuit. J'ai pas dit que j'avais dormi avec un frigo. On l'a bien compris. Non, mon amoureux est le meilleur du monde. Oui, oui, il est meilleur au niveau du frigo. C'est ça, 3 étoiles plus, plus, plus. Oui, d'accord. C'est 1++. Oui, ok, allez, c'est marrant parce qu'il dit pas ça de toi, hein, la FTBF. Pourquoi tu te dis ça? Ça s'est dit. On a eu des échos, on a eu des échos. Non, voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là ce matin. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain à partir de 6h du mat. Encore avec des gros cadeaux là, à partir de 6h. Avec la ligne anti-relou, avec les factures aussi qu'on va vous rembourser. Et Lucas dans un instant avec le self. Et mon premier self ce matin, c'est Niro avec Promises. Tu aimes? Oui, j'adore. Allez, on va le repasser. C'est un de mes morceaux préférés. On va le remettre maintenant. C'est parti, tiens. Hop là. Même avant de faire la pause. Rien à foutre. Je suis un rebelle, moi. Je suis un rebelle, moi. Rien à foutre. T'as une bonne tête de rebelle. Grave. Allez, 9h29, à demain tout le monde. On se quitte avec Niro et mettez ça bien fort dans le magasin si vous travaillez. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.